Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, bonjour, bonsoir et bienvenue. Eh, ça vient de commencer. Ça vient de commencer là. Vous êtes là avec vos yeux béats. Ça vient de commencer. Je vous le dis comme Emmanuel je pense. Béa. Emmanuel Béat. Emmanuel Béat. Wow. Dans ce nouvel épisode du Floodcast, ça s'applaudit tout de suite et ça me fait très plaisir. Je suis Florent Bernard et comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Allez, Adrien, comment vas-tu? Bon, dans le 19ème là, je suis bien. Il est populaire, il est de gauche. Mais ouais, ouais, non, ah, il est de gauche. Oh là là. Il y a encore les affiches de Mélenchon. Mélenchon Premier ministre dans mon quartier. Donc. Le troisième tour. Ouais, bien sûr. Notre première invitée est comédienne. Elle a commencé sur scène avant d'obtenir des petits rôles ça et là. Et depuis quelques années, on l'a vu en premier rôle, que ce soit dans le film Forte qu'elle a coécrit. Je t'emmerde, Alison, je t'emmerde. Wow. J'ai niqué toute ta présentation. Parce que tu voulais pas dire que c'était Alison Wheeler juste non, après. Non, c'était toi. Non, c'était la première et après, c'est toi. Ah oui, tu fais en termes de. C'est ouais. Tellement dommage. Forte qu'elle a coécrit. Si c'est solvabilité, commence par moi. Mais Forte qu'elle a coécrit, ça allait pas être Alison. Miskina la pauvre, qu'elle a également créé et co-réalisé, et dont la saison 2 va bientôt entrer en tournage. Elle a également la meilleure bio Insta selon moi, puisqu'il est écrit la sœur à Eric Ramsey. J'aime vraiment beaucoup cette bio. C'est Mela Bedia. Ouais. Ah, bravo. Merci, merci. Première fois dans l'émission, ça nous fait très plaisir. Première fois, je peux te dire que ce sera pas la dernière. Ah, j'espère bien. Notre seconde invité est déjà venu plusieurs fois nous voir dans l'émission, dont une fois sur la scène du ah, vas-y, Bataclan. Là, c'est le moment, c'est le moment. Non, parce qu'il a dit vivant, j'ai rien. Et de scène, il en est question, car elle monte sur scène maintenant, grâce à nous. C'est une évidence. C'est nous qui t'avons donné le goût de la scène, bien sûr. Je t'emmerde même. Oh, wow. Ouais. Là, elle va jouer d'ailleurs plusieurs dates en région avec son premier spectacle La Promesse d'un soir, un seul en scène avec aussi de la chanson car elle est accompagnée d'un pianiste. C'est vrai. Ça rigole. Mais parce que en fait elle est jalouse. Ah, d'avoir un pianiste. Tu te trimbales Mathieu Gonnet partout, super. Ouh. J'adore ce type. Moi aussi j'adore Mathieu Gonnet. Bon écoute, respecte le travail des autres. Pour finir sur un bon mot, j'ai voulu taper Wheeler sur Google Trad, ça m'a donné affairiste. Du coup j'ai tapé affairiste sur Google pour voir ce que ça voulait dire. Ça veut dire femme d'affaires spécialisée dans la spéculation et le profit. C'est un peu ce que je fais. Donc cette meuf, c'est tapis. Bah oui, c'est tapis. Des tapis, en fait. C'est Alison Wheeler. Bravo, Alison Wheeler, bravo. Merci pour l'accueil. En fait, on s'applaudit ici, c'est ouais, bon. On s'applaudit. Ouais, okay. Ça on est content d'être là. Sympa. On peut ça, c'est sincère. Moi, je suis vraiment contente d'être là. Ça fait très longtemps qu'on t'a pas vu. Et moi, ça me fait très plaisir de te revoir aussi. Parce que vraiment, ça fait presque une bonne année, je pense. Facilement. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au Bataclan, en fait, je pense. Non, moi, je l'avais revu un peu après. Mais toi, oui, je pense que c'était le Bataclan. Je parle de moi, en fait. Ça te dérange pas, bien sûr. Ça va te concentrer sur toi. Le jeu a été un indice que je parlais de moi, mais aucun problème. Parlons de Florent. Vas-y. Et nous, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Tu t'en bats les couilles? Alors, je suis très content que t'en parles. Parce que même on peut faire une pause sur les gros mots. Pardon, mais il m'a dit on est aux grosses têtes. Non, alors mais voilà, en fait tu as ouvert une fenêtre qu'on va pas maîtriser. Écoute, ferme-moi un peu la fenêtre. Aucun ouais, problème. Dit, il commence à faire rien compte. On met un gilet, on est l'hiver. Voilà. On craque une allumette, on a prend une un plaid. Bougie. Ouais, ouais, on se met bien. T'as une vraie voix en fait d'ASMR. Je suis content que tu en parles, Mela, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, pour moi, c'était un traquenard et j'aimerais avoir ton point Augustin de vue. Augustin Traquenard. Ah, ouais. Il adore cette blague en ce moment, il arrête pas de la faire. Ah, merde, pardon, mais je suis ravi. Je suis connecté. Parce que la première fois que j'ai rencontré Mela, je vais dans une salle, j'écrivais sur La Flamme à l'époque, et je rentre dans une salle, et il y a Mela que je connais pas. Attends, tu rentres dans une salle, c'est dans quel contexte? Oui, parce que là, on dirait un escape game. Oui, je raconte très mal. Mais c'était un peu un escape game aussi. C'était littéralement ça. On écrivait dans la boîte de prod de La Flamme. Et donc, okay. Il y avait moi, Jérémy Galland et Jonathan Cohen. Bien sûr. Et un matin, j'arrive et il y a Mela dans la salle. Et je suis surpris parce que je connais son travail, mais je la connais pas perso. C'est vrai. Et Jonathan fait bah ouais, non, mais elle va peut-être écrire avec nous, machin. Et je vois, et j'aimerais avoir ton point de vue, dans les yeux de Mela. J'ai pas du tout compris ça. Est-ce que tu comptais écrire son texte? Est-ce que tu l'as revu après une autre séance? Tu n'es jamais revenu. Non, mais moi non plus j'avais pas tout compris ce qui s'est passé parce que mais pour en moi, fait, elle va aller là, elle va peut-être écrire. Genre. Je voulais bien, mais après je crois que j'avais des trucs à faire en fait. Et il m'a juste dit viens et tout, tu nous donnes un coup de main et tout. Mais après c'est super. Après j'ai non, pas non, vu mais la ça flamme. M'a fait rire parce mais que ça m'a fait parce que vraiment je sentais un truc mais de. Mais je me rappelle quand c'était pour autre chose. Elle est venue pour. Mais non, j'étais venue. J'ai ramené les viennoiseries quoi. J'étais pas là pour écrire. Mais vraiment les yeux criaient. Je sais pas ce que je fais là. J'ai envie de partir. On a passé un bon moment. Elle est dure à ferrer professionnellement. Si tu veux, si t'as besoin de Melra pour casser la gueule à quelqu'un, déménager une voiture, là, elle est là. Elle est là. Mais s'il faut travailler, c'est plus. Elle, faut là. Tu me décris comme un déménageur breton et pas une femme que je suis. Ah, t'es une vraie femme. T'es une vraie femme. Je suis un exemple. Une belle femme. Oh, arrête. Brute de femme. Brute de pomme. Mais oui. Moi, il y a une expression que j'aime pas trop, c'est un vrai petit bout de femme. Ah bah ouais. Je sais pas d'où ça vient et ça me plaît pas trop. Sur bonne femme même. Sûrement un peu. Un petit bout de femme. Ouais. Tu sais pas d'où ça vient, sûrement d'un mec, en tout cas, qui a des charentaises. Une petite odeur corpo. Ouais, et comprends. Une enquête Mediapart, s'il y avait eu Mediapart à l'époque. Donc oui, mais là, pour t'expliquer, le Floodcast, c'est un peu les grosses têtes, c'est-à-dire que je vous pose des questions un peu sur l'actualité un peu insolite, il faut vous poser des questions pour essayer de deviner. Après le coup de rasoir dans le sourcil, Pascal Obispo se lance dans un autre pari fou. Je vous demande lequel. Attends. La tresse derrière. Non, alors ce n'est pas physique. Attends, parce qu'il avait déjà une appli, non? Il avait l'appli O. Ouais, tu pouvais retrouver tout l'univers de Pascal Obispo sur une application. Et ses chansons, c'était pas lui. C'était son Tidal à lui, Tidal. Exactement. Il avait retiré toutes ses chansons de Spotify, Deezer et compagnie, et tu pouvais l'avoir que en t'abonnant à O. Mais excusez-moi, ça veut dire que sa plateforme, enfin son, comment on dit? Oui, son appli. Son appli ne proposait que des titres de Obispo, que de Pascal Obispo, que lui. Et si tu voulais écouter du Obispo, il fallait s'abonner. Des Obisongs. À sa décharge, c'est vrai que je crois qu'à l'époque, il se passait des trucs au niveau des droits des compositeurs, des artistes. Gigi Goldman en est l'exemple. Hein. Il a mis du temps à. Mais on est revenu. Mais Obispo, lui, n'est toujours pas revenu sur Spotify et compagnie. Ah non, tu peux l'avoir que tu sur l'as l'appli. Pas. Alors, non, parce que moi sur Apple Music, j'ai une chanson de lui. Mais alors, c'est vrai que c'est un featuring. Et c'est nos meilleurs ennemis, je crois. Bah ouais, bah... Ah non, je dis de la merde. C'est... Clairement, les albums sont revenus. Les albums sont revenus, autant pour moi. Mais ça veut dire que les Obistrack ne marchaient pas sur son appli. Je pense qu'il s'est peut-être dit qu'il revenait. Mais là, c'est un abonnement juste pour du Obispo, c'est. Bah oui, c'est ça, parce que Tidal, il y avait plusieurs artistes. Ah bah il n'y avait pas que Jay-Z, il y avait les Daft Punk ou des trucs comme ça. Oui, quand même. Ça, t'étais quand même pas mal. Mais là, je vous dis, il se lance dans autre chose. Faut deviner. Ah, bien sûr. Bah oui, tu peux poser un milliard de questions. Il se lance dans le cinéma. Non, il nous le dit, c'est ça le jeu. Pas dans le cinéma, ça reste dans le domaine de la musique. Ah. Du rap. Non, le karaoké. C'est pas un projet musical. C'est un projet musical. C'est un projet musical. C'est des comptines. Oh. Ouais, c'est comme ça que tu joues. Parce que on dirait vraiment un truc d'orgasme. C'était un peu ça. Une comédie musicale. Il reprend l'envie d'aimer. Non. Les 10 commandements. Ah, que non, rêve. J'ai pris 8 billets. Non, mais c'est vrai, il rejoue là. Il rejoue les 10 commandements. Bien sûr. Ah, mais je savais pas. C'est pas les 11. Non, ça c'est Youn, tu confonds. Je crois que c'était Talmud, pardon. À chaque fois, je confonds, moi. Non, c'est un truc musical. L'autotune, je sais pas. Non, non, pas. C'est un spectacle. C'est pas un spectacle. Un album. Alors, c'est une sorte d'album. C'est des chansons qui vont être disponibles. C'est un best-of. Alors, pas un best-of, justement. Des reprises. Alors, oui. Mais alors, pas que ça. Je vais te donner la réponse. Que Crazy je pense Frog que... Non. Il reprend tout Crazy Frog. Baby Shark. Déjà des reprises. Baby Shark, ça va nous plaire. Alors, je crois pas. Non, mais c'est pas. Je connais pas ces mélas, mais je suis pas c'est certain. Sûr que mais non, mais on est pas loin, on peut pas trouver là. Là, c'est un truc de reprise. De musique classique. Pas c'est de lui classique. Qui fait des reprises. C'est lui qui fait des reprises. Mais d'un truc un peu bizarre. Pas forcément bizarre, des mais le concept est fou. Pas des hymnes nationaux, mais bonne des idée. Des publicités. J'aurais adoré. Qu'un glas pas. Ok. Non, non, c'est des reprises. J'ai envie d'entendre ça maintenant. De choses là. Françaises. Mm. Des chants racistes de supporters. Ouais. C'est hyper précis. Des trucs français. Ah, des supporters, un truc de foot, non? Non, pas un truc de foot. Qu'est-ce qu'il aime? Le projet paraît fou, paraît même démesuré. Des chansons de youtubeurs qui reprend. On se fait un FIFA. J'essaye de me mettre dans la peau de Pascal. Pouce gris, t'es déjà aigri. Dans un petit jean un peu serré. Ah oui. Au piano. Tu mets des lunettes avec bleu. Ouais. Des lunettes bleues d'acteur. Le petit feu qui crépite. C'est un truc. C'est des chansons françaises. Et là, attention, Alison, t'as la réponse. Bah, c'est de la chanson française. Mais non, mais c'est de la chanson française, mais c'est un française. Certain type de. Non. Il reprend un gars connu. Pas un gars connu. Non, mais vous l'avez. Il reprend une femme connue. Je vais vous le donner. Barbara, encore Barbara. Mais laissez-la mourir. Ah ouais. Laissez-la la peau. C'est l'angoisse, Barbara, quand même. Non, c'est sublime. Non, par c'est contre. Sublime, mais ça te met pas dans un bon mood, quoi. Bah non, mais non. On n'a pas toujours besoin d'être dans un bon mood. L'injonction au bonheur et au rire mêlera. Qu'elle nous fait chier avec sa promo, l'injonction de mes couilles, de tout là. T'en as pas marre. On a réussi à rester combien de temps sans dire mes couilles? Ça non, va, mais on a marre. L'injonction d'être en couple, l'injonction d'avoir une voiture, l'injonction d'avoir un vélo. L'injonction, elle dit. L'injonction entre. L'injonction entre Porte de Champéret et la place de Clichy, c'est tout le temps bouché. L'injonction. On en est où parce qu'on était dans la peau de Pascal Obispo. Oui, c'est vrai qu'on était bien dans la peau de Pascal Obispo. Je vais vous donner la réponse parce que vous pouvez. Non, on n'est pas loin. Bah, bon, vas-y. Il va reprendre près de 800 chansons. Ah waouh. Wow. Il a le temps. C'est des trucs libres de droit, genre. Non, son projet s'appelle De Beco à Vianney. Il va reprendre 800 standards de la chanson française. Oui, et c'est pourquoi pour ça y a Vianney qu'il avait repris. T'avais dit standard. Oui, ouais, bah c'est un standard. Il prend le standard de l'entreprise. Allô, bonjour, c'est Pascal. Mais 800, c'est ça. Il en prend 800. Il fait un tour de France. Oui, Total Energy, bonjour. Sur Obispo All Access. Ah bah génial, c'est l'appli que je propose. C'est son appli donc. Je sors tout ce que je peux pas faire avec une maison de disques classique. Par exemple, je ne pourrais pas proposer un album de jazz. Alors que sur Obispo Classique, il peut. Grâce à la plateforme, j'en ai déjà sorti 6. 2 en big band, 2 en sextette et 2 en quartet. C'est quoi une sextette? Sextette, c'est 6 violons, je pense. Si on le dit archivite, c'est pas. Oui. Ouais. Non, mais c'est un groupe, il y a 6. Est-ce que c'est payant, son appli? Bien sûr que c'est payant, Alice. Bien sûr. Mais alors, ça marche comme un Patreon, quoi. Ces gens sont abonnés à son travail. Et lui propose des trucs. Ouais, c'est ça, exactement. Un Patreon. Oui, oui. Un OnlyFans, d'une certaine manière. Putain, on devrait faire. D'ailleurs, si j'existe, c'est d'être fan, Obispo. Oh là. Bon, bah voilà. Mais je reviens aux 10 commandements, j'ai très hâte de ce projet que ça reprenne. Obispo, ça a combien de... C'est très vieux les 10 c'est commandements. C'est un peu vieux, ça a 20 piges, malheureusement, sans Daniel Lévy qui était extraordinaire, mais j'ai hâte de voir. Il faisait Moïse, lui. Oui, il me semble. Je teste des trucs. Hein, non, mais je crois. Il faisait pas la mer. Hein. Waouh, il est mort quand même, arrêtez. Non, mais moi, je suis choqué. Paix à son âme, il n'a vraiment pas de cœur. Est-ce qu'il y a une chanson vous, comme ça que vous écoutez en boucle tout le temps? Une chanson un peu pas forcément française d'ailleurs, mais juste une chanson qui... On l'a dit tous en même temps. Allez. Okay. Attends, j'ai pas la réponse. Ah oh, mais fallait dire un truc que t'as sur le cœur. Oh. Voilà, justement, faut pas réfléchir. 3, 2, 1, la Marseillaise. Bah ouais, y'a quoi? T'as dit quoi, Adrien? J'ai dit TDSI de Roche. C'est quoi? Ah oui, Turbo. Attends, c'est Diesel Sport Injection. Ouais. Et toi, t'as dit quoi, ma fille? Elle a rien dit. Moi, parce qu'elle est sur son dit, téléphone. J'étais en train de lire un message. Une personne influente. Oh, waouh. Wow. Elle a un petit trouble de l'attention. Putain. Non, c'est pas ça, c'est que ça a vibré à tout moment. Oui, bah, elle a rencontré Charles III. Hein, elle a rencontré Charles III. Prends de la Ritaline et reste avec nous. Ouais, Ritaline. Une chanson que tu aimes? Une chanson que j'adore. Que t'écoutes en boucle? Ophélie Winter. Ah, laquelle? Shame on Dieu... you. Ah non, Dieu m'a donné la foi. Tu crois que je suis une plouque? Tu as ces trucs de. Non. J'aime bien qu'elle a dit Shame on you, genre quoi d'autre en fait? Ouais, espèce ouais. de ringard. Toi, t'écoutes quoi toi? T'avais dit quoi? La TDSI de Rof. Turbo, ah putain, maintenant diesel. Tu le dis, bah, sport, ouais. injection. Eh oui. Avec principe. Ça veut dire quoi TDSI? Turbo diesel sport injection. C'est un truc sur les voitures. Ou sur le botox aussi. Toujours l'injonction. Elle s'est égarée. L'injonction. Elle est contente, elle a fait une vanne un peu running, tu vois, genre. Elle est méchante. Une vanne de running, c'est quand tu vas courir. Ouais. Ça fait un high five comme dans les années 90. Moi, j'adore les high five. On fait pas assez high five. Après le Covid, là. Après le Covid, on peut faire des high five. Ça nous a tué, le Covid, et vous? Ah non, mais c'est bien, on fait plus la bise. Enfin, si, on le fait un peu, mais. Tu nous as fait la bise en arrivant. Oui, mais parce que des fois. Il est plein de contradictions, ce mec. Non, mais des fois, les gens sont vexés qu'on fasse pas la bise. Oh non, moi je trouve que c'est mieux qu'on se fasse pas la bise. Moi je suis d'accord, moi juste le check à tout le monde. C'était super le check, non? Le check, c'est sublime. On va faire un check pour dire au revoir, du coup. Ok, vas-y. Mais je vais même pas dire au revoir. Ouais, ok. Mais par maintenant, si tu veux. Je vais vous laisser. C'est pour être sur ton téléphone avec Darmanin. Est-ce que vous connaissez la chanson préférée de l'auteur Stephen King? Et qui est Stephen King à peu près? Ouais, de... Je pense que ça doit être surprenant. Et justement, sinon oui. tu nous. Non. Alors, non. C'est pas on ça. Peut oui, deviner ou pas? Hein? Est-ce qu'on peut deviner? Ah oui. Est-ce que c'est un genre un tube, c'est interplanétaire? Un tube interplanétaire. Mais alors attends, c'est surprenant parce que genre c'est doux alors que lui il est connu pour écrire des c'est trucs. Festif. C'est festif. Ultra festif. Ouais. Petit bonhomme en mousse. Non. Donna Summer. Pas Donna Summer. C'est une femme. C'est un cum. Wow. Michael Jackson? Non. Encore plus festif. Encore plus, c'est le nouvel an. Ah, LMFAO. Non. Everyday I'm shuffling. Earth, Wind and Fire. Pas Earth, Wind and Fire. Ah, j'allais dire attends. Earth, Wind and Fire. Attends. Pardon, t'as dire quoi? J'allais dire le vent, le soleil. La jonction, là, Elia. La jonction, putain. La caution. Non, années 70. Non, années 90. C'est de la funk. 90. C'est pas de la funk. Docteur Alban. Non. Est-ce que c'est bon délire? Genre, si on la met tout de suite, on se lève, on danse. Ouais, je pense. Bonnet M. Je vous connais pas assez. I like to move it. Non, pas Bonnet M, pas I like to move it. C'est de la dance. C'est pas de la dance. C'est du rock. Je pourrais même pas vous dire le genre. Je vais regarder le vrai nom du genre. Ça y est, j'ai envie de savoir. Tu vois que t'es là, t'es au bord. Non mais on va trouver. Willy Denzey, Mur du son. Un chef-d'œuvre. Ah, un chef-d'œuvre. Très très putain. Surprenant. Ça, je l'écoute d'ailleurs. C'est celle que j'écoute. J'écoute beaucoup. Le Mur du son. En ce moment. Ouais, je comprends. Et l'Orphelin aussi. Non. Il a fait une reprise de Et si tu Et n'existais pas. Ah oui, bien sûr. Willy Denzey, il manque. Mais Willy Denzey, à un moment, il a un pont dans le Mur du son. Il fait. Bah. pam pam pam. Oui, c'est vrai, vraiment bien. C'est très bien. Et puis tu l'as bien reproduit. Ouais, mais c'est moi qui l'ai composé. Ah voilà, ça je me disais. Je crois que je paye la part. D'ailleurs, les premières paroles, ça fait ah ah ah, et on dirait qu'il rote. Il y a un effet dégueulasse sur sa voix. Oui, un effet reflux. Je suis d'accord. Est-ce que vous étiez féru de beatbox à l'époque? Oh, il y a une petite période, ouais. Bah, Sayan Tsukaku et tout, il y avait un ouais, peu... c'était un vrai truc dans les années 2005 où tous les gars, ils s'essayaient au beatbox oui, chez eux, c'était adorable. Et tous pensaient ouais, qu'ils ouais. le faisaient bien. Oui, ouais. Avant de fumer, les mecs faisaient, tiens, t'as vu, je sais faire du beatbox. Attends, tu viens d'imiter quoi exactement? Je sais pas, un ado. Si c'est un mec de banlieue, sache que tu es très gênant. C'est glottophobe. C'est périphérique. Ça se voit, t'as fait France Inter récemment. Nous sort des termes. Désolée d'être invitée dans des émissions à succès très prisé par les prisé. Artistes. C'est vrai, t'as raison. Mais là, ça te fait redescendre un peu d'être ici, je pense. Chez les beaux, avec ça les équilibre copains. Un peu, ça équilibre un peu. On est un peu les Léa Salamé du podcast, en vrai. Je pense qu'il si un adjectif, du ABBA. Non, un mec années 90, c'est un franchement, c'est un tube. Et c'est un mec. Je peux pas vous dire le genre parce que le genre c'est le titre de la chanson. Ah, disco! Ah, sexy. Bah, sex bomb, sex bomb. C'est pas un genre musical, le mais. Sexe, oh, la bombe, pas. C'est pas un genre le sexe, c'est la bombe. Le sexe, c'est la bombe? Y'a rien qui une femme. Bien, c'est le, c'est le générique de HIP, HOP. Le, non. Le... Ah, bah alors. Listons les genres musicaux, soyons bah oui. brillants. Garage, je comprenais pas. Garage. Garage. Garage. C'est du rock. Gar... Moi, c'est plutôt ce que j'écoute. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais quand j'étais jeune, j'entendais ça sur Ado FM. C'est ouais. du rap qui se lave pas la bite, quoi. C'est du rock qui pue, ouais. C'est wow. du rock. De... Mais le rock, ça pue, non? Alors, c'est vrai, c'est vrai. J'entends ce que tu veux dire, mais encore pour moi, plus. Le rock, c'est le sol qui colle. Oui, c'est ça. Quand c'est tu vas une soirée. C'est tu renverses un gobelet et puis tu ramasses et pas. Personne l'a jamais aimé, t'as le sol. Genre la Bellevilloise, tu vois. Bien sûr. Ils ont jamais les parterres là-bas. Évidemment. Ici, on parle souvent d'une boîte qui s'appelle le Truskel, qui est un enfer. Ouais, mais là, ça sent la pisse. J'adore cet endroit. Et c'est très rock. Ouais. Et ça... non, c'est t'as été au Truskel? Bien sûr, ouais. J'ai eu une vie. Avant France Inter, elle était proche des gens. J'avais le sol qui collait, ma vieille, tu peux pas savoir. Moi, j'en ai roulé le sous-sol des panneaux. Qui, je veux dire. J'avais le sous-sol transpirant, c'est pas toi qui vas m'inventer la. Alors, sors une jeunesse. Canette à Allison. Attends, allez, c'est reparti. T'es vraiment Bernard Tapie, c'est fou. Attendez, un genre musical récent. Non, mais faut pas trouver le genre, faut trouver le tube. Mais elle est con, quoi. Bah, il a dit c'est pas un genre. C'est un genre. Mais il a dit que le titre. C'est pas dance. Ah, mais ça pourrait être. Disco? Non, pas disco. Attends. Funky rap? Funky rap? La célèbre chanson. La chanson rap? Non. La chanson. R&B? Funk? C'est un genre, mais c'est pas le genre number one. Ah. Hein? Bah, frère, tu vois déjà. Ni le genre number 2, ni number 3, ni number 4. Mambo! Le Mambo number 5. C'est Mambo number 5. C'est sa chanson préférée. 1, 2, 3, 4, 5. Bien sûr. J'avais la même stache mou que Lou Vega. Je te jure, on me disait ça quand j'étais jeune. Le duvet là. On disait Loubédia. Loubédia. Loubédia, oh oui. Arrête, Alison. Attends, malheureusement, c'est déjà le titre peut-être. C'est le titre Loubédia, malheureusement. Stephen King vient de rêver dans une interview sa chanson préférée au monde, Lou Béga, Mambo 5. Il a dit: je suis un grand fan, ma femme a menacé de demander le divorce parce que je l'écoute trop. J'écoute toutes les versions, le remix dance, la version longue, l'instrumentale, la radio edit. Ah, je suis fou de Lou Béga. Il a dit la radio edit. Non, non, ça c'est toi qui l'as rajouté. Je suis fou de Lou Béga. C'est un fou de Lou Béga. C'est sa biographie d'ailleurs. Ça, c'est vraiment les trucs des singles. Tu sais, t'avais la chanson, radio et t'avais radio edit, edit, oui, c'est extended vrai. Remix. Oui, c'est vrai. Moi j'adorais les pistes secrètes. Quand t'avais ton petit deux titres ou un album et tu dis: il y a une piste gratos, j'avais pas oublié une piste secrète que t'as, qui t'a marqué, genre? Pas tant. Bah, alors, il alors, me semble. Ta gueule, ah, non, d'accord. non, les filles, t'es trop dommage. Pardon, ça. C'est vrai. Ouais. La sororité. Pas ouais. d'injonction. Bah, c'est pas ma sœur, c'est pas ma sœur. C'est pas ma sœur, jamais été en Irlande. Vous voyez pas, mais il y a des signes de gang qui ont été faits autour de la table. Moi, je transpire. Un scientifique portugais aurait découvert une molécule miracle, le sirumelinus, qui permettrait quelque chose de complètement dingue, à votre avis, quoi? Pourquoi? Changer le goût des aliments. Pas du tout. La bière? Non, pas de la bière. Un sirop? Pas un sirop. Attends, sirumelinus. Ah non, c'est le nom du. Sirumelinus. Bon, allez, merde. Sirumelinus. Sirumelinus. Non, mais le titre peut pas. C'est le nom de minibus. Sirumelinus, c'est ça. C'est ça. Ou la pote à Coé, comme on dit. Sirumelinus. Coé, muskin. Quoi? Moi, je viens de repenser à Coé, ça m'a fait une petite. Sirumelinus. Un petit choc post-traumatique. Ouais, je. Ouais, on pense à son magazine, Guts, quand même. Ah oui, ouais. Son burger. Guts. Son burger. Il avait un spectacle aussi. Mais oui, mais il y a eu plein de choses. Mais oui, il y a eu On parle de lui au passé, il est encore de ce monde, hein. Et il met en scène Alison en plus, donc un petit peu de respect. Au théâtre de l'œuvre, bah oui, c'est ça. Alors, sirumlimus. Sirumlimus. Ça permet un truc franchement complètement fou. Est-ce que c'est dans les aliments ? C'est pas dans les aliments. Déjà, c'est ça, un sort d'Harry Potter déjà. Ouais, ouais, vraiment. Ça te soigne d'un, d'une maladie. Ça te soigne pas vraiment d'une maladie, mais ça te soigne de quelque chose. D'une pathologie. Oui, exactement. D'une allergie ? Pas les allergies. D'une allergie, hein. Pas des Ah, c'est un truc sur. Est-ce que c'est un truc psychologique ? Non, non, c'est un truc vraiment physique. C'est physiologique la douleur. C'est pas la douleur, mais ça nous arrive à tous. Ça, la diarrhée. Non, quoi ? J'allais la dire diarrhée. La diarrhée. Je crois que on est connecté vraiment. Depuis Rof là, il se passe un truc. Rof, la diarrhée. Enfin bref, vous êtes vraiment un frère et une sœur. C'est enfin, pas un pardon. Coup de foudre, c'est pas ça le coup de foudre. La puissance, non, la diarrhée. Non, non, c'est un truc qui nous arrive à tous, mais qui n'est pas une maladie. L'aérophagie ? Non. Aérophagie. Bon groupe de rock. On joue à la fête de la musique. On reprend les Red Hot. Un truc qui nous arrive à, tous, d'avoir jusqu'à un certain point où ça s'arrête, mais voilà. C'est une angoisse, un truc. Ah, éternuer. Pas éternuer. Tousser. Pas tousser, mais effectivement, on est sur un truc qui en touche tout le monde. Des gens. Toi, récemment, tu l'as eu ? En fait, on l'a un peu tout le temps. Mais oui, moi, oui, toi, oui, Alicia, je peux vous le dire, tout le monde l'a un peu tous les jours. La dépression. La dépression pure et simple, non ? Un truc qu'on a tout le temps, je sais pas. Non, t'es un mineur, je te souviens, je te rappelle. T'es tapis. Ouais, je suis tapis, pardon. Attendez, je crois que c'était moi, je comprends pas, on est tous tapis. Non, mais vous êtes... franchement, t'as la win ou pas ? Ouais, non, oui, mais... j'ai la win. Bah, t'es tapis, voilà. Non, mais je suis... Parce que j'ai regardé la série et du coup, je suis un peu tapis aussi. En ce moment, on est très tapis. Qu'est-ce qu'on a tous les jours ? Depuis ta naissance jusqu'à ta mort ? Le sourire. Dépression, non, c'est, bah, je viens de le dire. T'as bien de la chance. Adrien, il va pas bien. Bah, Adrien, ça va. C'est la touch, c'est mon clown. C'est mon clown. C'est son clown et aussi, bon, voilà. C'est ça, mon clown. Pathologie. Et mon enfant, c'est. Non, non. C'est dur en vrai. C'est bien, un troisième bien. Point commun. Tout va bien. On va mal. Allez, bois un peu d'eau là. C'est normal d'aller mal dans ce monde, oui ou merde. Oh, putain, attendez. Ceux qui vont bien, c'est ceux qui sont la fatigue. Normal. Non, pas la fatigue. Les pleurs, on mais pleure. On s'approche. Un truc comme la fatigue. Bailler contre les la faim, putain. La faim, la soif, la soif. Non, bon, pardon. Mais attendez. Là. Mais il se fait contaminer par Melhack. L'amour. Je parle comme un charretier, moi. Je parle comme un charretier, tu vas me le dire ça en face. Hein ? Petite conne. Oh non ! Oh ! Oh, elle a dit un nom d'oiseau. Non, un truc qui est tous les jours, ça nous arrive au quotidien. Mais je suis déjà en train de mal vieillir, tu vois. Oh là là ! Ouais, bon, elle a galoché. C'est un anti-âge. Oh, c'est pour ne s'arrêter de vieillir. Bah, non, voilà. Pas un anti-âge, vraiment arrêter le processus de vieillissement. Oui, évidemment, faux. Il est où ce portugais là ? Ah, tu parles parce qu'on le cherche. Alors Florent, je m'inscris en faux parce que t'as dit que ça nous arrivait tous les jours. Bah, et je vieillis pas tous les jours. Ah non. Ah non. Non, je pense que ça arrive par à-coup. Ah, tu penses ? Ça arrive quand il y a des gens qui te disent madame. Ah oui. Ou tu mates un gars un peu trop jeune pour toi. Ouais. Oh, j'ai grandi avec Studio Bagel. Ouais. Des choses comme ça. J'adorais ce que tu faisais. Oui, ouais. C'est vrai que tu faisais Studio Bagel. Mais oui. Dame, tu t'en es mais bien t'es sorti. Hors sujet, ma pauvre vieille. C'est une enfant pas vrai, de canal. C'est là. YouTubeuse. Je peux plus te voir en peinture. YouTube, t'as donné de l'oseille. Tes premiers cachets, c'était bon, YouTube. Bah. Y aurait pas eu le Wi-Fi, t'aurais rien hein, eu. Pas beaucoup, je pense. Hein. Si c'était comme Golden Moustache, ça devait pas être énorme. C'était pas Golden Moustache, toi. Non, Adrien non. Et nous Florent. Deux, ouais. Vous étiez à Golden Moustache. Ouais, ouais. Il y avait, est-ce qu'il y avait un clash entre Golden Moustache pas et pas du tout, on y était. C'était comme Blue et les Link Up, ça s'est associé. On a été reliés par Elton John. Comme tout le monde. Pourquoi donc... on refait pas le clip ? Bah franchement, tous ensemble, on rappelle tout le monde. Oh, la angoisse, la tristesse. Le scientifique portugais qui travaille sur les mentalités a trouvé une molécule. Déjà, il a pas de nom ? Bah non. Bon bah c'est faux. Voilà. C'est scientifique portugais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Bon écoutez, je vais chercher son nom. Et comme c'est ça... raciste et faux. Mais c'est raciste. J'ai dit sa nationalité. Oui, le portugais. Oui, oui. Si oui, ça commence à bien pas faire. Pas toi, mais il s'appelle l'article. João Pedro de comme Malaguez. Comme Guy João, c'est le cousin. C'est Guy João, c'est lui. Tout c'est Guy João. Ça vraiment. Je pense que je m'en remettrai jamais de Guy João quand même cette histoire. Faut faire un film là-dessus. Vous vous souvenez de Guy João ? C'était le mec, ils ont cru que c'était Dupont de Ligonnès. C'était terrible. Pas du tout lui. Ah voilà, ça y est. C'était le nom du gars. Vous avez dit on l'a retrouvé. Et c'était ce mec-là. Et alors, vraiment, c'est quelqu'un qui a appelé à l'aéroport, qui a dit je crois qu'il y a Xavier Dupont de Ligonnès. Moi je veux savoir qui est cette personne. Moi je m'en fous. Faut faire un film. Faut faire un court métrage sur cette histoire. C'est Christelle Koudou, une pote à nous. Boucave. Mais alors, il y a un truc qui est un peu marrant sur cette molécule, quand même, qui empêcherait de vieillir. Ah, t'es encore sur ta molécule là ? Mais qu'elle est fictive. Ce scientifique qui est effectivement sûrement un charlatan. Bien sûr. Puisqu'il dit qu'il y a quand même des effets secondaires, à savoir les pieds enflés, une vision floue, une bouche douloureuse et des étourdissements. Mais ça, c'est les symptômes de la vieillesse. Les symptômes de la vieillesse. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Les cheveux gris. Ouais. C'est casser le col du fémur très facilement. Les petits enfants qui viennent plus vous voir. Avoir peur des escalators. Le temps qui passe. Accuser la femme de ménage de voler son argent. Ne plus comprendre les réseaux sociaux. Voter Marine Le Pen. Dire qu'on parle trop vite dans les films. Oh. Non mais je vais tout de suite plonger très deep. Est-ce que vous, ça a peur de vieillir autour de la table? Parce que vous êtes des gens qui avaient commencé jeune, qui est encore jeune. Il y a que de la trentaine autour de la table. Ouais ouais grave. Mais est-ce que Stephen King, il a écrit un roman qui s'appelle Salem. Oui. Bien sûr. Ah, c'est le nom de mon père. En écoutant. Ah ouais. Mais c'est en hommage. Five. C'est en hommage à ton rep. Ah ouais. Ouais. Et je te l'offre à la fin de l'émission. C'est gentil, tu l'as lu? Bah bien sûr que non. J'ai pas lu, je crois 5% de ce qu'il y a dans cette bibliothèque. Les trucs qui disent comment écrire un scénario, le cinéma selon machin. Ça il a lu ça. Chie-moi la gueule, hein, je t'en supplie. Non non, mais c'est bon. C'est fou de t'être nourris-toi d'autre chose. T'as posé une question deep et t'es allé dans la parade de Melha qui consiste à détourner l'attention des questions en ramenant elle-même. La pudeur. Toi, moi je suis complètement un artiste. Ah mais ça te va très bien. Ouais. Wow. Est-ce que ça a peur de vieillir autour de la table, Adrien? Non, franchement non. Après, mais parce qu'Adrien, on a souvent ce débat. Nous, on est un peu né vieux en vrai de vrai. Ah oui. Et moi, en même temps, je suis un peu nec-feu aussi. Hein. Toi, c'est vrai que t'es nec-feu. Je suis un peu nec-feu aussi. Enfin, tu préfères qu'on t'appelle le Fennec. Mais Ken, me Ken, tout simplement Ken maintenant. Non, mais. Parce que moi, j'ai toujours l'impression que maintenant tout le monde vient à mon niveau. Enfin, j'ai l'âge de mes passions. En fait, j'ai l'âge de ce que je suis. Mon corps rejoint mon esprit en fait. C'est ça, exactement. C'est la jonction. Oui, c'est ça, c'est la jonction. On dirait une chanson de Faflarage. Oui, c'est ça, son esprit mis ailleurs et au final. Oui, j'ai peur de vieillir, moi. La réponse est décevante. On va laisser un silence. Bien sûr. Ah, pardon. Mais est-ce que ça te motive? Il y a des gens, par exemple, c'est une question vraiment philosophique de dire si on n'avait pas la mort à la fin, on se bougerait pas le cul pour faire des trucs, t'as par raison. Exemple. C'est est-ce vrai. Que vous avez ce truc-là? Moi, je trouve que c'est une date butoir un peu cool, la mort. Ouais. Au moins, on doit faire des trucs. On cool. Doit moi, famille. Je fais rien, moi, c'est ça le problème. Après, moi, tu sais, je suis croyante, donc je sais que c'est pas fini. Le soir, on s'envoie des vocaux, on se dit, il faut vraiment qu'on fonde une famille. Ouais, c'est vrai, en ce moment, on est en dépression. Ah. En ce moment, de 22h à minuit, il faut venir dans la conversation WhatsApp d'Alison. On se dit, regarde, il n'y a plus personne qui est dispo, faut vraiment qu'on fonde une famille. Et elle me dit, attends, bouge pas, je suis en train de changer la litière de mon chat. Tu sais, c'est vraiment ça, les discussions. Et moi, je sors Belkacem, mon chien. Enfin, tu sais, on va mal finir. Ah, on voit les gens qui s'éliminent petit à petit, qui font des trucs. Ouais, et on voit ceux même sur qui on n'avait pas parié un écu. Et par ailleurs, j'ai eu un appel de ma sœur hier qui disait « Prends ton temps, Alison. Prends ton temps. » Donc c'est bien, ouais. Ouais, donc en fait, mais je trouve que c'est si... des mythos parce que elles ont fait ce qu'elles avaient à faire et au moment où nous on va retomber dans les couches et les problèmes et les trucs relous et on sera vieux, eux elles auront déjà vécu leur meilleure life. Je sais pas. Tu sais t'as pas. Compris si. Ouais, j'ai compris. C'était le français était approximatif. Oui, parce que tu sais pourquoi? Je suis en SPM. Oh, vraiment? Toi aussi? Oh non, pas encore. Mais normalement, ça se synchronise. Mais du coup, je dis n'importe quoi la veille. Ou... Ah, mais. Est-ce que vous êtes jaloux que les femmes se synchronisent? Non, jaloux d'avoir des règles? Non, vraiment non, pas. Mais non, franchement, non. On a le pouvoir de se synchroniser quand même. Ouais, c'est mais, ouf, mais hein. C'est un mythe, ça. Quand non, même. Non, je te jure que non. Ouais, c'est ça. Ouais. Je te ramène. Melha, elle m'a donné des règles plein de fois. Et toi, ah ouais. Tu m'as donné plein de règles. Et j'ai plein d'autres potes qu'avec. On s'est ensanglantés ensemble. C'est contagieux maintenant là. Ah, elle, j'avais pas mis un masque, elle m'a filé des règles. N'importe quoi. Mais cela dit, ouais, moi. J'ai pris le métro là, putain, j'ai ma meuf, quand elle était en coloc, oui, elle était souvent synchronisée. Mais oui, ça existe. C'est un mythe. Bon, écoute, Adrien, c'est un mythe. C'est comme l'orgasme, c'est bon, un mythe. Mais non, mais voilà. Forcément, comme c'est cyclique, il y a des fois où ça tombe en même temps. Ça mais commence comme ça, vraiment, pas parler du 11 septembre. Arrête, Adrien. Ouais, on ne lance pas là-dessus. Et les pyramides. Excuse-moi, on les a pas retrouvés, les bouts d'avion, tu m'expliques ça comment? C'est vrai, ça. Non, je veux. Tu peux me gratter le haut du si coup. Je te gratte, on n'en revient pas. C'est où là? Ah ouais, c'est complètement. Vous êtes très tactile, hein. Ouais. Elle est très tactile. Non. Moi, j'essaie de fonder un foyer. Et elle veut me frotter. T'essayes, j'étais sur ton muse-match, tu réponds pas du tout. Oui, c'est j'ai quoi, un muse-match. Alors, muse-match, c'est le Tinder pour les personnes qui pratiquent l'islam. Donc, je peux et m'expliquer en fait, pourquoi génial. J'ai un muse-match. Ah oui, bah je t'en supplie. Oui, parce que c'est de l'appropriation culturelle ce que tu fais. Oui, c'est ça. Excuse-moi, je après, parle de Tinder. Dit... Après, t'as fait du mansplaining sur les règles machin. Ouais, mais j'en ai rien. Tu m'amuses. Non, c'est pas là-dessus non plus. Est-ce que tu peux muse-plainer? Ouais, je pense. Bah, regarde. Tu peux nous dire, mais là. Moi, à la base. Arrête de nous mais scénariste, puisque j'ai une ribambelle de scénariste. De scénariste. Dont Johan Grombe, que je salue Grombe. D'ailleurs, qui écoute. T'es chaud, je travaille oh, avec lui en ce moment. Je l'adore, Johan, c'est mon préféré, mais il est vieux. Bon, c'est un vieux monsieur, il a pas les refs. N'écoute pas Johan. Ah, c'est mon petit groove. Parce qu'il écoute, il écoute. C'est vrai. En gros, Musematch, chez les scénaristes à l'époque, on a fait un faux compte sur Musematch parce qu'on voulait développer un personnage qui avait un alias et qui le soir avait une autre life sur Musematch et qui était la journée une autre meuf. Bon, on l'a jamais fait, mais au final, je suis restée inscrite depuis 2 ans et de temps en temps, comme Alison, elle a le feu au cul. À chaque fois, quand elle est chez moi. Elle me dit viens je veux voir du petit beurre. Donc j'ai jamais, je n'ai allez. Jamais oh. La chanson le petit beurre. Ah hein. Oh, c'était génial. On a les mêmes refs. Genre vraiment. Non je mets du petit donc bois dans la cheminée. Elle s'est mise à parler à tous les mecs de Musematch. Et ah, une fois non, sur non, deux non. Ils me dégagent parce qu'ils disent ah vous avez pris l'identité de Malhabedia. Ah oui oui genre ils oui bah ouais c'est pas la vraie. Non alors qu'en vrai on est toutes les deux sur des cums à chaque fois à textoter quoi. Alors ce que j'adore c'est qu'il y a des questions pré-remplies que tu peux envoyer t'es pas c'est pas comme T'as des questions pré-remplies. Non des... en gros si tu bugs. Tu donnes la réponse quand même c'est toi qui mets. Tu peux envoyer oui. Une question il te suggère des questions tu cliques oui. Et c'est ah, oui, tu veux combien d'enfants ou genre aimes-tu le saut en parachute t'as déjà tu vois c'est quand même très axé mariage. C'est des lanceurs de discussion. Des lanceurs d'alerte. Des icebreakers. Des icebreakers, oui. Et en tout cas, Alison qui est en couple, mais qui ne se cache pas de venir. Parce qu'elle vient souvent chez moi le soir, mais quand elle est en couple, hein, quand même. Et elle parle à plein de gens sur cette application. Oui, c'est vrai. Mais non, mais tu voyages. Après, ils font des vocaux. Tu nous fais son petit tapis volant. Et le petit tapis volant, on va sur Musematch. On va parler à Rachid67. Non, franchement, je suis désolée de te dire ça, mais j'ai trouvé des super gars. Oui. Tu leur as pas donné leur chance. Waouh. Non, mais parce que j'ai peut-être mon cœur est peut-être déjà comme la France. La France. Il a raison. Elle nous tapis, a donné. N'oubliez pas que c'est tapis. Hein. C'est vrai que c'est toi, Bernard. Mais j'ai fait quelques recherches, Bernard, parce qu'il paraît que toi, tu es hypochondriaque. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ah oui? Mais ça s'est calmé, un petit peu calmé avec la Covid-19. Mais ce après, qui est drôle d'ailleurs. C'est bah, en fait, une pandémie c'est... pour dire bon, ok. Oui. Bah, parce que c'était tellement trop que j'ai dit, ouh, je me calme. Là, il y a vraiment un vrai dos à l'échelle mondiale, tu vois. Non, non, je suis bien, j'ai des groupes WhatsApp avec plein de médecins. Ah, c'est fou. Ouais, ouais, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Monsieur Pierry, bonjour. Docteur Jacques Pierry, ouais, c'est moi qui ai l'inverse de toi, c'est fou. Bah, moi, ma meuf, bah, moi, c'est j'ai quoi pas, l'inverse? Je n'ai pas de carte vitale. T'es pas myope? Ah, c'est inconscient en fait. J'ai des lentilles, je suis à moins 8 à chaque œil. Je te crois pas, des sous-sols. Ouais, non, non. T'as pas tes lunettes? Non, j'ai mes lunettes, je pourrais vous les montrer. Peu de gens ont eu accès à ça. Là, t'as un truc dans les yeux. J'ai des lentilles, ouais, j'ai deux lentilles. Tu les mets là, donc t'as normal. Là, je suis normal. Elles font 3 cm d'épaisseur. Ouais, c'est ça. Je peux pas cligner des yeux, malheureusement. C'est vrai que depuis tout à l'heure, tu clignes pas. Non, c'est flippant. Ça, c'est un reptilien, ça n'a rien à voir. Me lancez pas là-dessus. Donc, toi, tu vas pas voir les médecins et tout? T'as non, la phobie. Je suis nul. Non, pas une phobie, juste ça fait pas partie de ma matrice en fait. Donc va j'ai chez pas de l'urologue, médecin traitant. Va chez l'urologue. Faut que j'aille chez l'urologue. Ah mais bon j'ai pas, non. Putain, t'en veux un, j'en ai un bon. T'as un très bon urologue. Ouais. Je le sais numéro. Pas pourquoi. Vous n'y j'en allez j'en jamais, les hommes. Alors justement, on en a parlé la dernière fois parce qu'Adrien est allé 3 fois de suite parce que sa tub est dans un état. Ah non, mais. J'ai un pote à moi, il avait la chaude pisse en vacances avec nous. Non, non, attention. On va très vite de moi à la chaude pisse, ça n'a rien à voir. Alors je l'ai dit dans le dernier épisode du podcast, donc je peux dire. Non mais en gros, moi j'ai la peau, vous voyez là, j'ai des marques et tout, je fais de l'eczéma, j'ai la peau très fragile. T'es un anxieux. Je suis totalement un anxieux et j'ai en plus une peau de merde. Et, et du coup, des fois, peau j'ai de des. Merde. C'est la suite de peau d'âne, c'est peau de merde. Non mais en gros, j'avais. Au des roues. De l'atelier. Oh mais elle pose une question et après. Pardon c'est incroyable, excuse-moi, je parle de ma bite, cœur, excuse-moi. Je suis en. Il parle de sa bite à cœur ouvert et là, vous êtes là. Raconte-nous, t'as des problèmes non, de peau. Non mais en gros, j'avais. Des femmes qui écoutent pas quand tu parles de ta bite, c'est bien la c'est première fou. Fois. C'est fou quand même. Et pourtant, je le fais très souvent et bizarrement. Je plaisante, bien sûr. Non, j'avais des rougeurs et je me disais merde, j'espère que c'est pas grave. En fait, c'est juste des rougeurs parce que timide, je me masturbe. T'es timide, parce que, c'est vrai et bah oui, bah quoi, oui, oui. Ouais. Quoi. Et nous, c'est comme les filles colorées en même temps, quand on se masturbe, c'est en même temps, Adrien et moi. Ouais, voilà. Ouais, ça synchronise, donc tu vois, la même pièce. Ouais, bah ouais. Non, non, mais voilà. Et en fait, du coup, je vais chez l'urologue en pensant que c'est grave et ils me disent non, non, c'est rien, c'est juste une irritation. Vous quoi, êtes mais... seul, vous vous sentez seul. Bah ouais, ouais. Bah, vous écouterez l'épisode précédent parce qu'il y a c'est un vraiment peu ce qui est. Il y a un mec qui me. Il y a un des urologues qui était persuadé que c'est parce que je baisais comme un fou. Ah, et j'osais pas lui dire. C'est l'inverse, en fait, vraiment, la cause de ça, quoi. C'est hyper touchant. Il me disait ah ouais, mais vous allez en boîte, c'est pour ça. Non, vraiment. Et puis c'est ça pour lui le raccourci, vous allez en magnifique. Boîte pour qu'il dire ouais, qu'elle. C'est ça. Ouais, bah oui. Mais attends, à l'issue de cette confidence, t'as dû recevoir énormément de messages de femmes qui disaient moi je veux bien, je me porte. Non. Garante de ta peau morte, ouais. Absolument aucun, figure-toi. Peut-être qu'il faut mieux, que tu gagnes une dermato, comment ça va tout annuler. C'est vrai, faudra que je fasse et ça. Sur une appli de rencontre non. Tu refuses. Si je dois toujours avoir des comptes qui oui, traînent, mais je. Avec des faux noms. Non, avec Jason Statham en l'occurrence. Je vais plus dessus quoi. J'ai une, en fait, souvent quand j'ai une période où je me dis allez, tu sais quoi, je vais sur les applis d'encontre oui. Et ça dure 3 jours. Je suis tapis en fait. Ah ouais, non, mais il y a eu le doigt levé. Hey, tu sais quoi? J'en ai rien à foutre. Hey, je porte mes couilles. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Je suis un coaster. Je vais sur un tapis de rencontre, mon pote. Et ça dure 3 jours. Après, je fais non, ça m'angoisse, j'aime pas. Et ah, j'arrête. Tu vois, je suis comme lui, je comprends. On est vraiment. Tu démarres ça, des conversations que tu finis pas. Des fois, je commence même pas les conversations. Donc, je match et après, je fais j'ose pas parler. Ah, oui, c'est ça, tu t'attendais pas à ce que ça match peut-être des fois. Doucement quand même. Non, je sais pas. En fait, Mais en vrai, oui, un peu. Oui, voilà, tu vois. C'est quoi la meilleure appli de rencontre? Moi, je suis rangé des bagnoles. Hein. J'ai une môme, j'ai une gosse. Inge, c'est pas mal, je crois. Inge, c'est nouveau. Je crois que c'est relativement nouveau. Raconte-moi, c'est quoi? J'adore ça, moi. Tu veux de l'eau, Alison? J'en veux bien, merci. Quelqu'un veut de l'eau? J'en veux bien, merci. Je crois qu'ils avaient. J'ai le seul qui colle. Merci. On parle là-dessus. Non, en fait, mais je crois que c'est un principe, mais qui maintenant est un peu. Tu vois, ils reprennent toutes les bonnes idées souvent, j'ai l'impression. Mais en gros, là, le principe, c'est que. C'est pas juste tu matches, c'est que tu dois t'as genre il y a des photos ou alors des réponses aux questions un peu comme sur Musematch. Il y a des questions et tu réponds et tout ça, donc il y a un peu un truc où déjà le profil il est déjà alimenté, il y a déjà une personnalité qui se dessine. Ah, okay. Comme un Skyblog. Et en plus tu peux par exemple exactement RIP Skyblog. Ah putain ouais. Et donc si par exemple il y a une réponse à une question où tu dis ah c'est marrant. Je fais pas une imitation d'Orelsan. Bah, c'est Orelsan pour moi. Tu peux, en plus de liker, tu peux envoyer un message pour réagir rebondir au truc. Rebondir sur et du coup, un. C'est pas juste tu likes. Ouais. Et du coup, tu peux toi aussi, tu vois, faire un bon mot. Après. Ok. Putain. C'est l'équivalent de d'une conversation. Tu peux rebondir sur une conversation. Dire moi voilà. aussi, j'adore. Voilà. Faire une blague et dire ah blablabla. Et ouais. Du coup, il y a un truc un peu moins froid que juste le. Coucou, juste un coucou, like ça ou va, un truc. Tu view, ouais. Voilà. Non, parce que c'est avant de matcher que tu peux envoyer un message. Ouais. Donc il y a un truc où déjà il y a un premier pas avant le truc, quoi. Inge. C'est pas mal, ouais. Selon un sondage IFOP. Tu m'étonnes. Bah oui, qui est paru il y a pas très longtemps. Que font seulement 41% des Français. Qu'ont fait, pardon, seulement 41% des Français l'année dernière? Aller chez l'urologue. La douche, ils font pas tout ça. T'as dit seulement, donc ça veut dire qu'ils devraient le faire plus. Pas ils devraient, mais c'est vrai que le chiffre est surprenant. 41. C'est vraiment pas beaucoup. L'amour? Pas l'amour. Ce serait vraiment. Ouais. Le ménage? Je suis pas jugé là-dessus, moi. Pleurer. Pleurer, non, c'est pas ça. C'est vraiment un truc plus concret, je dirais. Enfin, un truc pleurer, d'hygiène. Aller chez d'hygiène. Le garagiste. Pas aller chez le garagiste. Un truc d'hygiène. Non. Non. C'est un truc où tu dis, ah oui, bon, je serais surpris que vous l'ayez fait. Alison, peut-être. Sophrologue? Pas sophrologue. C'est un truc qu'on a tous fait beaucoup. Quitter son taf. Non. Non, c'est vraiment une action, disons, une activité. Ah, genre un truc sportif? Pas un truc sportif. Jogger, non. Pas de jogger. De santé un peu? Pas de santé du tout. Tu le fais sur toi? Tu le fais pas sur chanter. Toi. Chanter, non. Ah, oh, j'ai cru que c'était bon. Non. Ouais, moi aussi. Si moi je l'ai prendre fait. Prendre des cours, des cours de quelque chose? Pas prendre des cours. Prendre des coups par la vie, putain. Non, bah ça c'est vrai que tu l'as fait aussi, Alison. Je vais prendre tous les cartes. Elle t'a pas elle fait de cadeau la vie, hein. Putain, elle t'a pas fait de bon cadeau. C'était pas Noël tous les jours, hein, dans la vie d'Alison Wheeler. Elle m'a pas fait de carte cadeau. Pas de Smartbox. Oh, baison devant les synchronicité. Ah, oui. Suce ma queue irritée, tu m'entends? Oh, c'est génial. Il est bizarre au final. Ouais, elle voulait toutes t'écrire, elles ont fait ouais, non, ouais, ça va. Tiens, maintenant. Mais je suis entier, quoi, merde. T'es attends, tapis. Rachète t'es Adidas, tapis. Merde. Non, ne m'envoyez pas de message hein, d'ailleurs. Non, mais non. Non, lui envoyez pas. Ça y est, c'est mon cœur. Vous savez quoi, envoyez-les à Alison et elle triera. Moi, je transmettrai. Voilà. Envoyez sur Musematch à Alison. Voilà, c'est ça. Non, alors attends, une activité. Toi, c'est sûr, je pense jamais de la vie, tu le fais. Sortir de chez soi. Ouais. Non, du parachute. Non. Moi, jamais je le fais, tu dis. Impossible. Parler à des inconnus. Non. Ken? Non. Bon, ça va là. C'est vrai, mais c'est blessant. C'est le nom de ton bouquin d'ailleurs. C'est vrai, mais c'est blessant. Je l'achèterai. Je suis complètement. Ah, moi perdu, je suis à la rame. C'est un truc de social. C'est un truc qu'on nous fait faire à l'école par exemple. Ah, le BSR. L'attestation de route. Oui, c'est génial. La SSR niveau 2? Non, ce n'est pas un ça. Un truc qu'on nous fait faire à l'école? Ouais. Se présenter? Non. Pas écrire son prénom sur une feuille complie. C'est vrai que je l'ai pas fait. Ah, c'était super. Et ton prénom en allemand? Moi c'était Lotte. J'ai pas fait allemand. Lotte allemand toi? Pardon, excuse-moi. L-O-T-E LV1. Ah ouais, ah, non, LV1. Ouais, bah, Entschuldigung. Entschuldigung, c'est vrai. Ich mag del Kartoffeln Salad. Oui. Ah, mais t'as allemand aussi? Oui, mais LV2, tu vois bien. Oui, mais quand même. Mais attention, elle est très très forte en langue. Comment il changeait ton prénom? C'est ça que je veux comprendre. Il t'attribuait un nom. Oui, tu choisissais, tu changeais pas. Tu es juste sur ma carte d'identité. C'est bizarre ce qu'ils faisaient à ton école. Non, c'était pour qu'on se prenne un peu au jeu. De il vaut mieux dire Ichbin Allison que Ichbin l'auteur. Bah, surtout qu'elle a choisi Adolphe, donc ça c'est horrible. C'est vraiment. Non, moi je ne changeais pas les prénoms en anglais, non, ni bah en espagnol. Non. Bah non, c'est bizarre, ton prof était bizarre. Mais par exemple, vous moi, avez gardé. Je voulais qu'on m'appelle Denzel, mais c'était vraiment que moi quoi. Non, c'est Denzel. Oui, c'était à l'époque où t'avais fait le petit trait dans les cheveux. Oui, Denzel. Mais moi, j'ai, par exemple, j'ai pris espagnol, j'ai tout oublié. Je peux pas te dire une phrase en espagnol. Ah ouais, de se souvenir. Moi, allemand, j'ai oublié, mais allons espagnol, à la plage, ça reste. Bien. Vraiment, oui, bien sûr, je l'ai compris. Et l'addition, la cuenta. La cuenta, oui, c'est ça. Mais je savais qu'elle faisait chier la prof espagnole sur la prononciation, c'était la rota et la. Je sais pas. Oui, c'est oui, la, oui. C'était la rota et autre chose. Et j'ai oublié ce que ça voulait dire. La rota, c'est la J. Non, ça veut dire la virgule, non. Ou ouais, la, c'est l'accent. Ah bon l'accent. C'est l'accent sur les N ou des non, trucs comme ça. Non, ça, c'est le tilde, ça. Et nous, il y avait les umlaut. Oh, les umlaut. Ah, umlaut. Ouais. Bah, c'est les deux points, là. Oui. Ouais. Tokyo était là, joué à l'Olympia récemment, et ça m'a surpris. Non, mais je le dis parce qu'il y avait beaucoup de monde. Ah oui, parce que allons voir où ça va. Oui, ils sont allemands, c'est pour ça que je dis ça. Et il y avait. Et là, tiens. Et pourquoi ils étaient allemands? Ils s'appelaient Tokyo Hotel. Et pourquoi pas Berlin Hotel? Et ben pourquoi police s'appelle police? Est-ce qu'ils étaient pro-flics? C'est la question que je te pose, mais là. Possible. Possible. Non, mais j'étais surpris que Tokyo Hotel, il y avait autant de monde. Et petit potin, est-ce que vous savez qui sort avec le batteur de Tokyo Hotel? Non, j'en sais rien. Allison. Attends, tu me l'as pas Allison. Avec le batteur? Allison, c'est avec le bassiste des Bébés Brunes. N'a rien ah à voir. Là là, il ah, j'aimerais bien, je sais plus lequel c'est, mais les non, il mettait des répétos, c'était un tarba. Non, mais il mettait des répétos et un slim. Et alors? Et alors, tu te sens pas protégé avec un mec qui met des slims qui est bébé brune. On n'est pas dans les années 70. Non, c'était, non, c'était avec. Il sort avec une meuf très connue. Une Miss France. Non, ça reste une Allemande. Ah. Ah. Allemande connue internationalement. Ah, bah Angela Merkel. La mère de. Je connais que elle, moi. C'était Heidi Klum. Ah ouais. Non, avec mais elle sortait pas avec Syl. Si. Si. Avec Si même avant. Avec Si. Avec Si. Bien sûr. Eh oui. Eh oui, oui, mais t'es sûr de ce que t'avances? Je suis persuadé, je te veux dis comme une je photo. Pense. Alors là, okay. Sur les potins, tu peux faire confiance à numéro 1. Il les connaît tous. Est-ce que tu vérifies tes sources quand tu diffuses un potin? Alors je diffuse très rarement, mais écoute-moi bien, je ne vérifie jamais. Non mais en vrai, en plus c'est truc invérifiable. What? C'est pas Heidi Klum. Non, non, ça c'est non, Aquaman, ça. C'est Link the Sun, ça n'a rien à voir. C'est pas Heidi Klum. Si vous dites que c'est Heidi Klum. Bon, écoutez. Non, c'est pas Heidi Klum. C'est Seb du Grenier, enfin. Je suis sur elle.fr. Écoutez, on peut pas faire plus. Son voilà. Mariage avec Tom Kolitz de Tokyo Hotel. Il est pas mal, Tom Kolitz. Ah, mais c'est le chanteur d'ailleurs, c'est pas tout le batteur, je suis complètement fou. Moi. Bon, alors, attends. Elle sortirait pas avec un batteur. Elle va pas se prendre le batteur. Au moins la tête d'affiche, c'est obligé. Donc, rédiger une lettre manuscrite. Je sais même pas comment on c'était est arrivé ça, là. C'était ça la bonne réponse. Eh bah, je l'ai fait il y a quelques jours là. Ah ouais, pourquoi? Mais t'as pris du plaisir à ça ou t'étais obligé pour résilier un truc? Moi j'aime bien écrire. Ah ouais, je pensais que ça faisait chier. T'adores tellement les petits claviers, les petits ouais, trucs. Ouais, mais j'aime bien dessiner aussi, donc il y a un côté. Tu vois. Non, en gros, c'était parce que je devais renvoyer des chèques à des gens qui m'avaient payé par chèque. Ils vont me faire un virement. Et du coup, ils m'ont dit renvoyer les chèques. Ah, ça, c'est très agaçant. Mais parce qu'il est tapis. Il est tapis, mais. T'as racheté les sociétés à 1 franc. Le Crédit Lyonnais m'a envoyé un chèque. Walt Disney, ça dit quelque chose. Vous torchez le cul avec. Non, mais je suis d'accord, c'est très agaçant. Un grand groupe de télévision qui me paye par chèque et je me suis dit mais pourquoi ils font ça parce que j'ai c'est jamais Teva envoyé mon rib. C'est Teva. Non, c'est ça. Ah, ils bossent pour Teva. Ah, non et en gros les chèques étaient je pouvais plus les encaisser parce qu'ils étaient périmés. Je peux plus les encaisser non plus. Je suis en peinture, je suis tapis. Non, bah je vais te raconter à toi là parce que. Mais c'est deux bonnes copines, bien sûr. T'as vu comme il est. On est plein, regard plein phare sur toi. Adrien, non. On t'aime là, et on aimerait que tu arrêtes d'avoir des rougeurs sur la vie. J'aimerais que vous m'applaudissiez un petit peu pendant que je raconte. Pendant que je raconte. Donc en gros. Non, mais continuez. Pendant mon anecdote. Non, en gros, les chèques étaient périmés, j'ai dû les renvoyer. Enfin, ils m'ont dit, vous nous les renvoyez, on vous fait un virement. Donc je les ai renvoyés et j'ai mis un petit mot manuscrit suite à notre mail. Donc j'ai écrit. Donc ta gueule en fait, à dire que. J'ai pas fait une lettre manuscrite. Et après, tu t'es touché. Sans doute. Vraiment, c'est un pari très. Là, c'est. Alison Willows, la dernière lettre manuscrite que t'as écrite. Alors, figure-toi. Est-ce que t'aimes bien écrire à la main? Est-ce que t'avais un journal intime, par exemple? Bien sûr. Bien sûr. Je ne suis qu'intimité. C'était elle a eu journal, un Skyblog, d'ailleurs. Elle a eu tout. J'avais un MySpace pour être plus précis. Ah, t'avais un MySpace? Pardon? Non, rien. Elle est zinzin celle-là. J'avais un MySpace, ouais. Tu chantais dessus? Non, je postais des photos. Oui, c'est... que je retouchais, tu sais, et on me reconnaissait plus tellement je. Ah oui. Ça a intéressé qu'il y ait des gens, ouais. Mes petites copines, mes petits copains. Ouais, j'avais un MySpace et j'ai des journaux intimes que je qui sont que très très jolis. Et tu les gardes? Des idoles ou quoi? Ouais, je les garde. Toi, t'en as, toi? Non, pas du tout. Ah non, j'ai jamais eu de journal intime. Mais tu te confies à qui? Ah non, maintenant j'en ai pas, je trouve ça regrettable. C'est dommage. On devrait reprendre les journaux intimes. Génial. Mais il y en a qui le font encore, justement. Mais c'est le psy, quoi. Moi, je vais voir un mec qui s'appelle Melchior, autant pas niquer l'écologie. Enfin, tu vois, oui, bien sûr. C'est pas pareil, je pense, un psy, un journal intime. C'est pas pareil, explique-nous. Dis-nous. Non, mais j'ai fait. J'ai eu des périodes, mais comme les sites de rencontres. Des fois, je me dis, allez, je me mets au journal intime, ça fait du bien. Et je fais ça une semaine et j'arrête. On est tellement similaires. Et en vrai, ça fait vraiment du bien. Mais après, comme tous les trucs qui me font du bien, j'arrête de les faire. Après, je dis, mais pourquoi je vais mal? Tous les trucs qui te font du bien, tu les fais pas. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est ça, c'est le fou la poule. Je suis tapis. Bon, pardon. J'ai arrêté cette blague, mais bon. Moi, j'ai tenu un journal pendant le tournage de mon film. Ah, c'est génial. Tous les soirs. C'est pour le livret du DVD. Le mec, il a. Mais t'inquiète pas, c'est dans le livret. Mais oui, bien sûr. Mais il y a plus de DVD. Oui, parce qu'on sort le film en 2008. Ah, moi j'adore les DVD. On dit Vix. On le sent. Divix le texier. Oh, on l'embrasse. Oh. T'as bien ouais, bon, il a pété dans le micro dans lequel tu parles donc. Mais là, toi, tu écrivais un peu? Moi, j'adore écrire. J'avais des beaux stylos. J'ai une passion pour la papeterie, donc j'ai même du papier japonais et tout ça. J'adore écrire. Je suis avec toi sur j'adore acheter de la papeterie. Ah, j'adore. Bien, j'ai un tiroir avec des gommes d'avance, mais j'ai même pas. J'utilise même pas les gommes. Je me suis acheté les agrafeuses japonaises sans agrafe. Oui. C'est quoi le truc? Ça m'excite, genre la papeterie. Mais je comprends. Je te jure. Ne l'amenez jamais dans un office de pro. Je deviens folle. Elles sont accrochées, mais il y a pas d'agrafe. C'est génial. Et ça marche vraiment bien ou des fois bon, écoute, j'ai pas forcément l'occasion d'agrafer des trucs tous les jours. Mais t'as pas agrafé l'échec? Putain, t'aurais pu agrafer l'échec. Putain, t'es con comme un balai. Mais bien sûr, je vois que je baisse dans ton estime. T'es ouais, si j'étais rentrée là et. Non, là... mais en plus, t'as... Ah, mais non, elle a acquis un an. Ah oui, là. Mmh. Mais là, si, là, elle... mais sur des murs. Elle fait ça sur des murs en ce moment avec des feutres. Comme les Kids United. Oh, je... On écrit sur les murs de Nana. Un message pour les jeunes à venir. Et ça, elle le fait sur scène. Ouais, je sais, mais apparemment, c'est qu'elle. Tu sais qu'elle elle part en tournée avec un pianiste. Mais je sais. Ah, ça on fait vraiment deux fois qu'on le dit. Et avec Koé. Avec Koé qui fait la première partie. Le SPM, il est dur là. Hein. Ça fait deux fois qu'on en parle. Et si tu savais que dans trois jours, ça va devenir très méchant cette chose-là. Oh, même dans 24 heures. Oh là là. T'as vraiment une voix. J'ai une voix. Toi aussi. Dis des trucs. Tu veux que je dise quoi? Faites-lui dire des. Papeterie. Oh là là, vas-y, dis. Papeterie. Papouasie. Allez, tu te donnes un mot qui ressemble. On est sur France Culture là. Augustin Trapenard. Papeterie, papouasie. Une étude a interrogé, alors le chiffre n'a aucun sens, 3933 hommes pour savoir ce qu'ils cachent le plus à leur partenaire. À votre avis, quels sont les trois trucs que cachent le plus les hommes à leur compagne? Leur historique internet. Alors, pas le téléphone, texto. Attends, il y a une liste de trucs? Je vous demande le top 3. SMS. Sûr. Oui, alors, elle a raison. C'est pas vraiment caché. En fait, c'est ne pas. Révéler des trucs plus que vraiment cacher un objet. Leur nombre de partenaires passés. Qu'ils ont un enfant. Alors, c'est pas dans le top 3, mais ça en fait partie. Ah oui, qu'ils sont mariés. Arrête, je rigole, mais nous on a appris des choses là. Ah ouais. Oh, sur les potes et tout. Dites les blases, dites les blases. Ah, non. Tu piperas ça. Le pauvre. Ah, non. Il est tapis lui. Ouais. Je sais pas pourquoi je dis ça, vous m'avez contaminé. Ouais, moi aussi j'ai envie de le dire, mais c'est pas tout de suite. Vous êtes fort pour lancer des gimmicks comme ça. On adore les gimmicks. Est-ce que vous disiez waza et tout le monde le disait? Ah, le Kwakubé de l'époque. Ouais. C'est nous qui l'avons inventé. On a lancé Kwakubé, nous. C'est vrai? C'est nous. Les crampetés aussi. Les crampetés. Tout ça, ça vient de nous. Ah, mais il y a l'autre là qui reçoit les gens dans sa baignoire, il faisait poule pondeuse. Ah. Comment il s'appelait? Jérôme Star. Il disait ça? Ouais. Oh là là. Ah ouais, il en dit d'autres. Hein. Mais lui aussi est très fort pour inventer des gimmicks. Oui. Je hurle. Il avait la Jérôme Starbox à une époque. Oui, même, il l'a acheté, c'est un pote. À une époque, des youtubeurs faisaient ça aussi. Cyprien, c'est à toi que je parle, je sais que t'écoutes l'émission. Et quoi, il faisait quoi? Tu avais la Soundbox de Cyprien ou t'avais la Soundbox. Punchline. C'est punch. Ah ouais. La Soundbox. Ouais, bah. On fait pas d'efforts. Ça va, l'Irlande. Je suis pas full bilingue, excuse-moi. Excuse-nous. Je dois m'excuser d'être français, c'est ça? C'est ça? C'est ça la société actuelle? Donc les trois trucs. Alors, que les hommes cachent. L'historique internet. Moi, c'est les SMS. Des trucs sur leur passé du coup. Alors sur leur passé. Les poils de dos. Des réunions tardives, des trucs, des regroupements avec leurs potes. J'ai dû pour la première fois m'épiler le dos. J'ai pas de poils au dos. Montre-nous. Comment ça t'as dû? Bah parce que ma meuf a dit oh bah ça commence à arriver et ça la dégoûte. Ah waouh, donc le contrôle des corps c'est que dans un sens apparemment. Non mais tu as dit je suis pas fou d'en avoir non plus. Elle t'a mis des graines dans sa main et puis tu les as mangées. Adrien, wow. C'est ta colère qui parle. Il aime pas ta meuf, hein. Il aime pas grand chose. Ah, okay. Mais... Non, c'est faux déjà. Et s'il y en a bien un des deux qui peut pas blairer à l'autre, c'est quand même plus ta meuf que moi. Non, à une époque, elle m'aimait pas trop. Ah ouais. Oh, elle a jeté un verre au sol. Pardon, excusez-moi. Elle était jalouse de notre complicité, mais maintenant elle a vu qu'il y avait. Depuis qu'il y a eu un gosse. Il y avait plus rien. Et puis moi j'étais au fond du trou et s'est dit oui, non, bon, y a pas de risque. Elle sait pour tes irritations. Bah si elle écoute le podcast, comme oui, de... c'est évidemment la seule qui m'a envoyé un message. Plaisante. Oh, là là. Oh, oh ça va, il rigole. Je suis tapis, ouais, pardon, je fais des blagues sur le cul en fait, quoi. Ça fait partie de la vie ou pas? Quoi coubé. Ouais, ouais. Oui, bizarre cette scène dans tapis quand Laurent Lafitte dit quoi coubé. Elle est crampée. Je n'ai pas vu la série, vous êtes j'ai en train commencé, de tout c'est bien. Hein. C'est non, bien. C'est bien, ouais. Ouais, c'est bien. Après, moi, je suis pour l'OM, donc c'était sûr que ça allait être bien. J'avais juste envie de passer que j'étais pour l'OM. Ouais, tu mais peux, oui, c'est vrai. Tu c'est peux. Vrai. Mais du coup, il y a un moment de la série où tu vas faire oh, je suis pas d'accord. Ouais, j'étais pas d'accord. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais bon. De quoi, pas d'accord? Bah, il y a plein de fans de l'OM qui disent bah, rien oui, n'a été acheté. C'est pas vrai, il a jamais été truqué. Oui, bon. Oui, bah, des vrais gros fans de l'OM. Oui, oui, oui. J'adore le foot, tu me connais. Bien sûr. Leur relation fusionnelle avec leur mère. Ils cachent leur relation fusionnelle avec leur mère. Ils cachent leurs sentiments, leurs émotions. C'est un vrai truc, ça. Je voulais demander aux femmes. Les mecs qui ont des relations fusionnelles avec leur mère. C'est bizarre. Non, ah, mais c'est... ça, vous avez connu ça? Oui, j'en connais. J'en ah ouais, oui, j'avais un ex. Bah, non, mais oui, c'est un peu un cliché de dire les meufs, genre je suis en compétition avec la daronne du gars ou des trucs comme ça. C'est un cliché que j'ai déjà entendu dans la fiction ou autre. Et moi j'ai tellement pas ça avec ma daronne que aucune meuf peut dire ça. Je voulais savoir si vous aviez déjà expérimenté des gars. Moi j'en avais un, il dormait une fois par semaine chez sa mère, ça me ah ouais, ça me stressait. Ah ouais. T'as dire ça me dégoûtait et j'étais avec toi. Et après je me suis dit c'est peut-être un peu fort de café. Non. On parle des irritations de bite. Bah alors ça me oui c'est vrai, donc ça me dégoûtait qu'il dormait avec sa mère, voilà. Ah, avec dans le lit. Non. Ah oui, d'accord. Ah je sais pas maintenant qu'on dit ça en fait. Non, je crois bon, ils dormaient pas ensemble mais ils prenaient un bain ensemble, je savais. Je crois qu'il lui faisait des pédicures. Elle lui épilait le dos, voilà. Non, bah c'est challenging. J'ai des récits challenging, genre depuis challenging. Ah. J'ai des récits d'amis qui disent que c'est vrai, les belles-mères, c'est un truc. Ah ouais. C'est un petit step. Et ta belle-mère, elle est gentille. Elle est adorable. Ah, voilà, tu vois. C'est une mais ouais, si c'était en fusion, si, je suis pudique en fait. Mais c'est vrai que t'es pudique, toi. Ouais. Toi, t'es plutôt. Je suis pudique et j'ai le sol qui colle. Donc je vous donne le numéro 3. Okay. Ouais. Attends, on en a dit aucun de juste. Aucun, mais je vous donne un petit troisième, ça va vous donner peut-être 14% c'est... des hommes ne révèlent pas combien d'argent ils dépensent réellement. Ah putain, c'est marrant ça. Après, c'est des gros cons. D'après qui dit ça? Ça veut dire que c'est un truc où ils trompent parce que c'est bizarre. Bah oui, non, c'est bizarre. Pourquoi non, tu c'est... dis pas que t'as acheté une paire de baskets? On s'en fout, tu vois, mais c'est bizarre. Non, c'est que t'as acheté un truc qui est pas. Non, mais c'est pour un truc de s'il sépare, il peut dire non, mais moi je gagne pas beaucoup. Donc mais elle va le voir s'il s'est acheté une Porsche, enfin, tu vois, il y a un moment donné, c'est débile. Oui, mais oui, mais c'est pas du Bitcoin. Aussi... Mais genre quoi? C'est cher. Du Bitcoin. Ah, tu penses, c'est de la crypto. Moi, j'ai caché des fois à ma meuf que j'achetais des jouets à notre fille parce qu'elle trouvait que je la gâtais trop. En fait, oui, mais elle les a vus, les jouets. Au final, oui, je les cache très mal, malheureusement. Je pense que ta fille les cache pas. Ouais, vraiment, elle ne m'aide pas du tout. T'achètes des trucs chers? Non, pas cher, mais un peu tout le temps, malheureusement. Ah, à une époque, vraiment, on était sur un jouet par jour, sans aucune raison. La quantité d'alcool qu'ils boivent? Non. Ah oui? Non. Moi, je redis un. Au risque de vous paraître un peu relou, mais les MST. Il y a un truc sur le. Un peu l'intimité, justement. Le téléphone? Pas le téléphone. Les mails? Non. L'historique. Vous parliez d'historique? Historique. Historique et obélisque, d'ailleurs. Bonjour, monsieur Tapie. Non, c'est un truc qui. Par rapport à l'historique. C'est pas. À quel point ils vont sur des sites de cul. Exactement. Ils n'avouent pas qu'ils consomment fréquemment du porno. Le plus drôle, c'est les meufs qui disent mais moi, mon mec, il va pas sur les sites de porno. Oui, oui, ouais, bien sûr. Ouais, ça l'intéresse pas. Quelques-unes. Ah, Alison, malheureusement. Je vois bien que c'est ce que tu crois, mais non. Il y va. Non. Il y va, bien sûr. Bah, non, ça me fait penser mon mec, que. Mon mec est sur l'iPad avec la luminosité minimum dans le salon à minuit et demi. Dans les chiottes. Tranquille, mais c'est juste pour regarder pour Facebook. Il a une gastro. Il est toilette avec l'iPad. Ah non, moi je suis très OK avec ça. Ah, j'ai ri parce que je repensais à un épisode des Frères Scott que j'ai regardé récemment où il y a un épisode qui est consacré au porno. Ah, et ouais, donc il y a une des trois filles qu'on suit dans la série. Qui découvre que son copain consomme du porno et elle lui fait la morale pendant tout l'épisode en disant je ne serai jamais à la hauteur de cette femme, avec la musique dramatique. Ah. Et je me rappelle la première fois que j'avais vu ça en me disant mais bien sûr c'est honteux, pourquoi il fait ça? Et c'est marrant comme ça vieillit. Bah oui, c'est ça. Ah bah là c'est terrible. Donc plus que le numéro 1, le numéro 2 c'est porno, vous l'avez trouvé. Numéro 1. C'est aussi une histoire de un peu de sexe. Qui se masturbe. Quelle immense puceau qui se masturbe. Ah non. Dès qu'Adrien dit un truc, je fais bah oui, c'est ça, oui. Il a raison. Il écoute trop. Bien, ça me. T'es DSI. Je m'en remets pas. Oh là là. Ah, je vais vous le donner. Non, je vais un vous truc le donner. De cul, mais attends, un truc de cul. Enfin, pas de cul, d'attirance. Ah, ah s'ils, ont des, s'ils sont attirés par d'autres meufs. Tout simplement, le fait d'être attiré. Et ça, moi, je trouve que c'est juste de la politesse de pas dire à non, ta meuf. Surtout, oui. elle m'attire. Ou c'est pas caché. Ah, tu es le feu qui m'attise. Ouais, non, ah, c'est si vrai. Ça va, ça marche quand même pour c'est moi. C'est raté parce qu'on parlait de Philippe Winter. Non, mais tu vois, pour moi, c'est pas. Je perds la boule en même temps. Déjà pas mal que j'ai fait attire, attise. Déjà pas mal que la jonction soit faite dans ma tête. L'injonction. Voilà, je raccroche les wagons. Excellent, le mec. Bouclé. Il se félicite. T'adore. Tu t'adores à combien? Parce que derrière le mec qui s'aime pas, tu t'adores. C'est de l'amour-haine. Non. Si... Dans le flocas, ça va. Ouais. C'est le moment, c'est ma petite bulle où je fais. Je et après, quand si tu mal... rentres dans le 20ème, comment tu fais? 19ème. Bon, je traîne des pattes. Tu traînes des pattes? Je traîne les pieds. Oh, je suis pas tapis. Je suis pas ton tapis. C'était peut-être tapis. Lucini dans la série. Ah, il est méchant, Lucini. Attends, il y a Lucini dans la série. Ouais, il est méchant, il est méchant. Il arrête pas de dire Monsieur Tapi. Monsieur Tapi. J'adore. Lucini. Et t'as vu quand il lui jette la pièce de. Mais enfin, attention, racontez pas. Attention, elle l'a pas vu. Ça elle va. Lui rachète Adidas là. Elle est inconsciente. un métier est sur le point de disparaître en France, comme je vous le dis. Auteur. 45 000 personnes faisaient staff il y a 50 ans et maintenant ils ne sont plus que 3 000 et il y en a même 500. Palefrenier. Pas Palefrenier. 500 à 600 qui vont. Tomber à la retraite l'année prochaine. Non, donc tomber vraiment, à la retraite. Tomber, ouais. On dirait Marum qui m'a tombé à la retraite hier. Non, ils vont fermer à cause de départ à la retraite. Donc vraiment, il n'y en aura plus. Vraiment plus c'est beaucoup. Dans le milieu agricole. Pas dans le milieu agricole. Non, il y en a à Paris, il y en a partout. C'est des ouvriers. C'est un truc ouvrier. Des cordonniers. Très bonne réponse. Ah, Abedia. Wow. Je suis sociétaire aux grosses têtes. Mais oui, bien sûr. Mais attends, comment ça? Comment on fait réparer nos chaussures alors? Bah oui, c'est alors. Mais qui répare ses chaussures? C'est ce qui explique. À part Renault et ses Tiag, genre vraiment. Qui va? C'est attends, mais on va être dans tapis, la merde. Tapis, c'était encore ce monde de le prêt pour un tapis, ouais. Ce qui explique d'ailleurs un des cordonniers qui a été interviewé par le journal, c'est de dire bah oui, mais tout le monde achète des baskets maintenant. Tout le monde croit qu'on est les plus mal chaussés alors. Ah. C'est un mythe aussi, c'est comme la synchronisation. On est super des... bien chaussés depuis le début. Regardez ça, c'est des requins. Mal chaussés peut-être. C'est des TN, bordel. Non, oui, c'est parce que tout le monde porte des baskets. Et donc, du coup, ils disent, mais plus personne. Il y a quand même encore des chaussures des villes. Ouais, mais visiblement, tu vas t'en rachètes. Tu sais, c'est la société de consommation. Non, c'est l'impérialisme, c'est bâtard. On rachète. Mais par contre, où est-ce qu'on va refaire nos clés? Moi, c'est ça surtout. Mais alors, moi, le cordonnier, c'est juste. Franprix, pour... clés. Ah, tu peux aller. Je sais pas, moi, le Auchan que c'est chez moi. Moi, j'ai un pote à moi, Aubervilliers, il les refait chez lui. Je te jure, c'est vrai, son van. Avec un savon et il en tôle. Oui, il en a fait. Il fait un couteau avec une brosse à dents et tout. Enfin, il peut tout faire, quoi. En tout cas, un gros bisou à Sofiane Aubert. Je rigole. Il habite dans le 19ème, mon frère. Ah bah voilà, très bien. Vous auriez fait quoi comme métier si vous n'aviez pas fait celui-ci? C'est pas toutes les comédiennes à chaque fois répondent. Moi, je pense que j'aurais bossé avec les enfants malades. Ouais. Moi, pas du tout. Ça me rendrait malade, du coup. Tu ferais quoi, toi? Bah, toi, tu serais. T'as et toi, styliste. Et toi comme, ouais, elle, coloriste. Mais ça va pas. Coloriste. Ah ouais, non. De quoi, de cheveux? Non, elle invente un truc. Je sais pas, qu'est-ce qu'on aurait fait? Non, j'aurais aimé. Je sais pas, j'aurais enseigné, mais j'aurais été mauvaise. Non, je sais pas, j'invente un. Je sais pas, je t'imagine en plus, en vrai de vrai. Ouais. Je t'imagine. Mais t'as enseigner. Pas trop d'autorité, comment t'aurais fait pour bah calmer oui, les troisièmes B, genre. Un burn-out, elle a fait un burn-out. Attends, mais elle rate tous les gens ne se comportent pas comme toi, j'ai de l'autorité sur les gens respectueux. Oh. Oui, bah. T'es méchante et tu sais ce petit ton un peu condescendant. Oui, méprisant. Tu me parlais un peu avec ton white privilege. Oui. Écoute, je vais te dire une chose, on va arrêter ce podcast à un moment donné, puisque je pense qu'il faudra une fin. Et on va descendre et je vais te niquer ta race. Et on va être sur le boulevard et je vais te balayer. Waouh. Et tu vas faire quoi? Et avec tu Adrien, on va avoir un petit stand à côté, on prend les paris. Voilà. Et on va s'offrir des photos. Ce sera la photo de l'épisode. De combien est la cote? C'est sponsorisé par Winamax, n'hésitez pas. Voilà. Non, vous avez fait quoi? Donc, peut-être de l'enseignement. De l'enseignement. Ouais, truc de BAFA. Ou avocate, moi je pense que j'aurais été. Ah ouais, avocate. Ouais. Avocate. C'est vrai qu'avocat ça ressemble un peu à comédien des fois. Mais avocat en faisant des menaces, en menaçant les gens, ouais, ça marche. Tu l'as dit dans plein d'interviews, on va pas te relancer là-dessus. Parce que ça va te faire chier au bout d'un moment. Mais c'est vrai que tu as été. C'est la sœur de Zidane. Ouais, c'est ça. Ça non, mais je veux dire, t'as été effectivement styliste habilleuse pour Diams, tu vois, voilà. T'as fait du football également. À quel moment t'as eu envie de monter sur scène? C'était déjà un peu là à ce moment-là ou... Moi, j'ai toujours eu un peu envie, j'allais au théâtre, j'aimais bien faire un peu mon intéressant. En fait, j'étais timide et je voulais faire mon intéressante, c'est très bizarre. Ouais. C'est pour ça que je suis une meuf assez complexe. Je connais. Ouais, tu vois ce que tu... Mais du coup, en gros, ouais, mais j'osais pas trop le dire que je voulais être comédienne. Ouais. C'était un peu un secret enfoui. Donc j'ai d'abord dit j'aime bien les fringues, je fais du stylisme. J'aime bien le foot, je vais faire du foot. Ouais. Et à la fin, quand j'ai vu que mon frère, eh ben, ça avait marché pour lui, je me suis dit bon, bah, je vais aller au théâtre, hein, j'aime bien. C'est ça. Et voilà. Comédienne, c'était la suite logique ou. Ou écoute, ça m'est venu un peu comme ça. Non, hein. Mais des fois, en vérité, ça, ouais. Ça vient un peu comme ça. J'y croyais pas trop, moi. Mais ah ouais. Du coup, c'est venu, donc c'était cool. Genre, on t'a commencé à te proposer des rôles et t'y allais. On m'a proposé des rôles avant que je monte sur scène, donc c'est ça qui était trop marrant, genre. D'accord. Et donc, c'était pas un truc de passer des castings, en fait. Non. J'ai kiffé aller passer des castings. Moi, j'adore l'exercice du casting. T'es réalisatrice maintenant. Ouais, je co-réalise avec Anthony Marciano. Je suis une demi-réale encore. Je suis pas encore une réale pleine. Et tu kiffes? Ouais, c'est kiffant, ouais. À demi, parce que pleine, ouais. Je suis pas prête encore. Mais ouais, tu penses que c'est trop de taf, trop. Ouais. De... ouais. Et puis hier, c'est la vie, ils m'ont tu joues aussi, c'est pas pareil. C'est ouais. Pas facile. Ouais, il y a que Maïwenn qui arrive à avoir le recul nécessaire sur son jeu. Hein. Non, mais c'est pas mal, c'est redressé quoi, elle a dit ça. Alors, elle est devenue très sérieuse. T'as vu ou pas? Non, mais j'ai vu. J'ai quand même eu les 3T. J'ai eu les 3T. Comment? T'as trouvé ça dur de réaliser un film? Non, mais moi je jouais pas dedans. Mais j'ai pas trouvé. Mais après, moi j'étais très excité de le faire. J'avais hâte. Non, j'ai pas. Mais toi aussi, on te demandait des trucs genre deux carrelages blancs, on te dit tu préfères lequel? Ah bah bien sûr. Parce que mais moi j'adore ça, moi. Ah ok. Moi j'adore ça. Non, ouais, ouais. Non, moi j'ai... Il y a des trucs kiffants quand même. Là. Ah ouais. Mais c'est beaucoup de travail. Et puis moi j'ai été extrêmement bien entouré, enfin c'est ça qui était trop bien. C'était très facile oui. Pour moi. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et toi, Alison, c'est le chemin inverse, c'est-à-dire que t'as commencé par être comédienne. Moi je vais mais vers le chômage un peu plus. T'as commencé par rêver, puis après ça s'est étiolé. Mais pas du tout. Étiolé. T'as commencé par être comédienne. Et là, tu montes sur scène. C'est ça ce que oui. Je voulais ça, dire. Qui veut dire. Et donc, comment ça t'est venu? Comment cette envie t'est venue? Oui, j'ai beaucoup tourné autour. J'ai beaucoup évité. J'ai fait la stratégie de l'évitement, le refus d'obstacles. Je voulais pas y aller. Puis après, c'était un peu inévitable. Parce... Tu bailles? C'est des allergies, ça me fatigue. Ça, t'es allergique à quoi? À tes histoires chiantes à mourir. Okay, tes histoires chiantes. Allergique à tes mots, qui est un album d'Amine aussi. Évidemment. Ouais. À tes mots, qui est dans le groupe PNL. Ok. Okay. Allez, raconte-nous ton parcours. Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup, vraiment. Ouais, allez, moi aussi. Parce que c'est vrai que. Et moi aussi, mais je suis. Moi aussi. Mais non, mais j'avais très peur de me retrouver semaine. Sur scène seule face à des gens. J'ai eu plein de peurs qui se sont concrétisées une fois que je suis montée sur scène. J'ai fait un blackout. Ah ouais. La première fois. Tu trouves ça normal? Je sais pas, je vois beaucoup, beaucoup de gens disent ça. Ah ouais, de gens, ouais. Ah, ça me rassure. Et t'as commencé par un spectacle ou t'as commencé par un 5 minutes? J'ai ou... commencé par 30 minutes. Ah oui, d'accord, mais c'est ça. Ah, oui. J'ai eu un. Je suis montée sur scène, ma gorge s'est asséchée immédiatement. Ah ouais. Je me suis dit, waouh, ça ressemble à un cauchemar que j'ai fait où je dis rien et j'étais en train de rien dire. Ah ouais. Je me suis dit, c'est très long le temps ou ça va? Je me rendais compte, ça faisait peut-être 4 secondes, j'avais pas parlé. Donc je dis, bonsoir. Et la voix sort pas du tout comme je la veux. Ah ouais. Et ça a mis du temps avant de trouver un petit endroit où j'étais à l'aise, mais c'est, heureusement, ça vient progressivement, quoi. D'accord. Et là, ça fait que tu l'as joué combien de fois, le spectacle? Une bonne cinquantaine de fois. Ah ouais, quand même. Mais il a pas toujours été comme ça. J'ai rajouté des textes. Oui, ce qu'on appelle le rodage. Et ce qu'on appelle le spectacle vivant, c'est vivant. C'est vrai, ah, c'est vivant. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. C'est comme du kombucha. C'est toujours vivant. C'est vivant, le kombucha? Ouais, c'est quoi, du Natacha kombucha? Le kombucha, c'est une boisson. Je sais pas. Non, mais je fais une blague sur un truc que personne n'a. Non, c'est une espèce de poisson. Tu vois ce que c'est du kombucha? Je vois ce que c'est, il me menace de l'index. C'est quoi? Ouais, pardon. Il est zinzin celui-là. Non, ça te relaxe cette boisson. Dans un. C'est pas quoi? Nouveau. C'est quoi? C'est une boisson c'est gazeuse. Et je suis en train de te le dire. Mais écoute-moi. Tu l'achètes où? Parce que personne ne sait si, ce que si, c'est. Si, au bio, c'est bon. Je avec toi. C'est une boisson de blanc. Ah voilà, wow. On commence par là. C'est la vie sauvage. Non mais voilà, la vie claire, machin, tout ça. La vie claire, la vie sauvage. C'est amer, n'est-ce pas? Oui. Tu t'en rendrais pas compte, t'es tellement triste. Tout est amer. C'est moins amer que moi. Du coup, c'est sucré pour lui. Mais attendez, pourquoi on achète du kombucha quand il y a de l'oasis tropicale et du Perrier qui existent dans la vie? C'est-à-dire, c'est. Parce que c'est censé être. C'est bon quoi les bienfaits? Ah voilà, me faites pas chier, putain. Écoute, je tapis, je bois du pinard et je bouffe du sauciflard, je suis français, on fait sauce. Attends, Adrien, pourquoi c'est vivant? En fait, le kombucha, tu fais ça avec une mer comme le vinaigre. C'est de la spiruline? Non, rien à voir. Quel rapport? Non, tu fais ça, t'as une espèce de mer, un truc visqueux que tu dois acheter pour faire du kombucha, et c'est un truc qui est vivant. Ah, c'est vivant. Toi qui fais ta tu boisson? Tu le fabriques? Non, mais je le fabrique mais pas, t'as, mais les mais gens... t'as du temps c'est libre! Ça tombe pas du ciel, y'a quelqu'un qui le fait, putain! Il a la voix de Christian Clavier! Ah oui, il a Christian Clavier, ouais, non, tu sens bon, Alison! Ouais. Ils sont grave bons! C'est la L net. Ah bon? Ouais, j'ai fait des photos hier et on m'a mis beaucoup de Hellnet, la laque, et ça sent les grands-mères. D'un jour à l'autre, tu te laves pas, quoi. Pas les veuches, rien. C'est vrai, ça, oui. Ouais, toi, tu dois pas savoir. Bah, bien sûr. C'est cet homme français. Du coup, vas-y, raconte. Oh, vous me faites chier. Non, non, tu sais, j'ai compris. C'est des algues. Mais non, je sais même pas ce que c'est. Mais en gros, pour faire la fermentation. Donc, tu vois les trucs, tu sais pas ce que c'est. Exactement. Ah, l'oasis tropicale, c'est comment c'est fait. Bien sûr, c'est dans les tropiques. Ok. Il y a quoi comme fruits? Combien il y a de pourcentage de fruits dans le oasis? Il y en a au moins 87%. C'est sûr qu'il y a moins de 10%. Mais on s'en fout, j'en vois même pas, c'était un exemple. Le Fanta, c'est de l'orange. Oui. Non. Mais c'est créé par le Troisième Reich. Malheureusement, c'est le Troisième Reich. Ouais. Eh oui. Est-ce que tu pourras dire. Ah, j'ai écouté, je me dans ma bouche. Tu pourras dire que si tu coupes, tu remplaces par un petit segment. Là, j'ai coupé parce que Melra a dit quelque chose d'indifférable. Ah, excusez-moi, c'est la première fois que je divague alors que lui, depuis tout à l'heure, il dit des dingueries. C'est vrai. Non, il parle de gauche. J'ai rien dit, moi. Si une dinguerie, c'est parler de sa bitiérité, vraiment, c'est pas l'endroit. Sa bitiérité. Grande réalisatrice. La palme d'or 2024. Sa bitiérité. Un film coup de poing. Sa bitiérité a mis tout le monde d'accord. La presse est unanime. Une claque. Une vraie claque. Une claque. Les trois T. Une vraie bible. Les trois T. Oh, je suis épuisée, j'ai chaud. Oh, il fait chaud, chaud dans mon appart. Tu m'as fait une cigarette. C'est plus difficile. Non, mais tu m'as dit que l'enfant n'était pas là. Bah oui, mais bon, il est là d'habitude. D'accord. J'ai une dernière question. Un musée un peu particulier. Le Quai Branly. Mais non. Mais t'as bien essayé. Mais un musée un peu particulier vient d'ouvrir ses portes à Washington. Un musée consacré à un truc qu'on a tous vécu au moins une fois. À votre en septembre. Avis. Quoi? Non, pas en septembre. On a tous vécu au moins une fois le 11 septembre. Ah ouais. On se rappelle tous. Moi 6 fois, mais. C'est vrai. J'écoutais les grosses têtes, moi. Je me souviens. Enfin, le 11 septembre, je me souviens, j'étais en voiture avec mon grand-père. Ah oui, et voilà. Justement, il n'y avait pas les grosses têtes. Je me suis dit, c'est trop bizarre, il n'y a pas les grosses têtes. Pourquoi il y a les infos à 18h 11 septembre, mon pote. Ah, et tu revenais de l'école. Septembre. Et je revenais de l'école. Moi aussi, attends, ouais. Mais c'était pas à 18h. Non, mais ces infos tournaient toute la journée. C'était... Moi, je ne savais pas. Heureusement, on parlait un petit bout de temps. Ouais. Hey, on parlait. Tu te rends compte qu'on n'était pas au courant en temps réel de ce qui se passait dans le monde. C'est fou. Si, hein. Y avait des flashs. Enfin, tu vois, il y avait des flashs. Non, t'étais à l'école, tu étais au courant à 18h quand tu rentrais. Oui, parce qu'on était à l'école, mais si on était à la maison, on aurait. Bah oui, c'est le concept de ce que je viens de dire, abruti. Non, c'est dommage, on avait retrouvé un bon mood. En plus, je lui ai dit, tu sens bon. C'est vrai qu'il y a eu un pavé. T'étais où au moment du 11 septembre, Alison? Non, pareil, je suis rentrée de l'école, j'ai découvert ça à la télévision. Adrien, au moment du 11 septembre, t'étais où? J'étais encore chez ma mère, mais du coup, moi, je l'ai vu en direct, du coup. Ah oui, t'as vu le truc, t'as vu le JT. Ouais. Ah. En fait, je me souviens. Non, il avait une caméra embarquée, connaissait les pilotes. Mais t'étais à New York à l'époque. J'étais à New York, j'étais trader à l'époque. J'ai vu les tours tomber, je me suis dit, j'arrête, je fais du théâtre. J'ai vu les tours. Faire un marmotte sur scène. Je tapis. Non, en vrai, je sais pas, je devais être un étudiant ou un truc comme ça. Et je me levais assez tard à l'époque. Et je m'étais réveillé. Et j'avais allumé mon ordi et j'étais allé sur des trucs de chat. Ah oui. Et les gens disaient, ah, vous avez vu ce qui se passe et tout. Il y a des avions qui sont plantés dans les. Et je disais, pfff, n'importe quoi, genre super. Et ils m'ont dit, bah allume ta télé, connard. Et j'ai allumé la télé, j'ai vu qu'effectivement c'était vrai. Putain. Et j'étais déjà très. Un peu trop, du coup. Enfin. Oui, tu doutais des choses. Ouais. Mais non, c'est des conneries ça. Bientôt vous allez me dire que les meufs, on leur rêve en même temps. Donc un musée un peu particulier qui a ouvert ses portes à Washington. D'un truc qu'on a déjà tous fait. Est-ce que c'est à Washington? On a vécu. DC, ah ouais, DC. DC, les moulinots. Ok. Moi j'adore. La diarrhée, le vomi. Quoi, pardon? Je sais pas, on élimine les trucs. Non, mais on est arrivé au moins une fois dans nos vies. Oh bah c'est sûr. T'es sûr, tu pourrais dire à 100% qu'il y a. Mais quand je vois vos carrières, je me dis de moins en moins. Oh, un échec. Avoir des problèmes d'argent. Réponse de Melra Bédia. Le musée de l'échec. Oh, si, Ouais, non, je parle à moi. D'accord, pardon. Le musée de l'échec. Alors, putain, qui est. Qu'est-ce qu'il y a dans le musée de l'échec? C'est tous les objets, toutes les marques qui n'ont pas fonctionné. Par exemple, génial, c'est trop bien. Tu peux trouver tu peux trouver des Google Glass, par exemple. Les lunettes oui. de Google qui étaient censées être le futur. Est-ce qu'il y a la pipine? C'est quoi la pipine? La pipine, c'était la console de jeu qu'avait lancé Apple. Ah non, je. Personne ne connaît ça, du coup. La vie claire aussi, ça. C'est ça, c'est avec le kombucha. T'envoies deux. Il y a aussi kombucha, les. T'as la pipine. Non, mais c'est. Allez, acheter du kombucha après, je veux voir. Ce que je veux bien, mais je crois que tu vas pas trop aimer. Ok. Mais il y a Wide and the Moon à côté, y a, c'est sûr qu'ils vendent cette oui, merde. Ah, ouais, oui, ouais, c'est Wild sûr. Moon, alors vraiment. Alors, je vais les faire à jour. Mais Wild and the Moon, c'est pas le, le restaurant où tu dois te servir. Je sais pas. Non, ça c'est ce bois. C'est du confort. Non, ça c'est chez toi en fait. C'est ton dom. Les Pringles, il y a les Pringles sans matière grasse par exemple, énorme échec. Les steaks Donald Trump, énorme échec également. Ah ouais. Les ça va Adrien? Il nous parle depuis les WC. Il est parti prendre ses trucs Wild and the Moon. Ah, il s'est pris un petit frichetier. Et ils font toujours des petits des jeux de mots là. Il y a écrit Hollywood. Hollywood. Ouais. Ah là là, délicieux. Ça m'énerve un peu. Bah, c'est... Je m'énerve graine. Moi-même d'acheter ça, mais j'adore. Mais moi, je sais, ma pote, quand elle était enceinte, il fallait lui ramener le truc vert comme as. Et j'y allais. À la spiruline. Voilà, exactement, la spiruline. Regardez le dentifrice à la lasagne. Ah, non, ça c'est pas quoi. Ça n'a pas très bien marché. Ça n'a pas très bien marché. Le masque pour muscler le visage. Voilà, ça c'est terrifiant là, c'est par exemple. Oui, oui, c'est... Voilà, mais c'est ça, Dwight c'est... dans The Office. C'est rigolo. Hein. Donc c'est tous les c'est voilà, c'est tous les échecs de l'histoire du capitalisme. Mais un simple site internet ferait l'affaire. Oui, mais là tu les vois en vrai. Mmh. Oh putain, j'ai fait l'expo Titanic avec ma meuf parce qu'on c'est a bien. Un enfant et donc on doit s'occuper. Et alors, c'est assez fou parce qu'il y a des ça objets qu'ils ont repêchés du Titanic. Mmh. Mais c'est dans un truc où ils recréent les décors. Ouais. Et en même temps au début, ils te donnent un petit ce qu'ils appellent un passeport. Du Titanic, où à la fin, tu vois si ton passeport. En fait, c'est si les vrais noms. De... Si t'as survécu ou pas. Mais je comprends pas. Qui est extrêmement glauque. Ça a pris ton enfant. Alors, en gros, l'idée, c'est. Te... Parce que moi, j'ai demandé. Mais la vie, elle est pas assez dure pour aller s'infliger des trucs compliqués. Oh, c'est comme... moi, je suis morte. Mais c'est nul. Hein. Et en plus, tu apprends qu'au Titanic, bah oui, tous ceux de la troisième classe sont dead. Ceux de la deuxième, un peu moins dead. Ceux de la première, pas eu tant de morts. Ah ouais. Bah, c'est vraiment ça. Bah tiens. Et ça, c'est comme la France, Macron. T'entends ça, Macron? Mais j'ai demandé, du coup, à la fin, je fais, c'est un peu glauque votre truc, parce qu'à la fin, t'as vraiment un mur. Non, mais c'est pour sensibiliser, pour et dire base, c'est pas c'est seulement ça. Un film, c'est à un la vrai base, truc c'est pour qui dire, regardez, non, c'est des morts en fait. Sauf qu'en fait, à la fin. On sait que c'est des morts. Et surtout, à la fin, t'arrives et t'as juste des bandes de potes qui font, ah bah non, toi t'es mort, ah bah ouais, non, moi ça va, j'ai survécu. Donc c'est pas du tout l'effet. Donc c'est vraiment côté. Maintenant, on en rigole. Ouais, c'est ça, mais attends, c'est des bâtards. On a eu cette discussion, c'était hors floodcast. C'était hors floodcast. Ouais, d'accord. C'était hors floodcast. Non, t'inquiète pas. Tu l'as déjà vécu. Non, mais on a déjà eu. T'as eu un déjà vu. Je suis fonzard, mec. Alors je sais qu'autour de la table, j'ai que des. J'ai que des tapis, j'ai des wheeleuses. Ouais, on est tapis. Mais des comment, est-ce que vous, vous avez déjà vécu des trucs d'échecs et comment vous réagissez face Alison à ça? Beaucoup d'échecs. Non mais est-ce que vous êtes genre ça vous éteint ou est-ce qu'au contraire vous avez une espèce de bon bah faut vite que je m'y remette. Vous avez quel tempérament face à ça? J'ai envie de commencer par Mela. Moi je dirais que je m'octroie 24 heures de lose et de pas bien. De deuil. Un vrai deuil, mais je suis mal. Hein. Ouais. Je commande Deliveroo après Deliveroo. Il y a un mec qui sort, l'autre il croise l'autre livreur. Enfin, je veux dire, je les enchaîne vraiment. C'est pas une vanne. Je vais le monter, t'inquiète. Et je fais que manger des trucs gras et après je fume plein de clopes. Et après le lendemain, tout va bien. Comme si ah ouais, t'as vraiment fait. T'as ton sas de mais décompression. Mais j'aime bien me dire, j'ai deux jours ou un jour où je suis mal. Ouais. Et Alison, elle va vous en parler parce que je l'ai connue, elle a pas mal d'échecs ces derniers temps. J'ai ce truc aussi de timer la période d'incubation de la colère. Et après, de me dire, ok, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Mais c'est pas systématique que j'arrive à me relever immédiatement. C'est pas parce que tu décides que le lendemain ouais, ça ouais, va mieux c'est vrai. Que t'es pas en train de, ouais, de broyer du nord. Un deuxième jour off, ouais. Là, quand même. Tu te remets à ta fête, tu écris que. Et t'as une voix dans ta tête qui dit, je suis une merde, je suis une merde. Est-ce que t'as déjà écrit, je suis une merde sur Word? Moi, oui. Ah ouais? Bah, oh, tellement je me disais, bon, je suis une merde et j'ai tout effacé, je suis une grosse merde. Et puis, ah ouais, t'es dans un truc un peu violent quoi. Oui, mais ça marche pas vraiment. Non, non, ouais, ça bah, pas c'est long mieux. À transformer parce qu'en fait, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, tous les trucs que moi j'essaie de fabriquer, c'est des noms qu'on m'a dit à des trucs où ouais. Moi j'essaye de dire, ok, tu m'as dit non là-dessus, bah je vais faire un autre truc de cette idée-là. Et ouais. De la remixer, d'aller donc, au oui, bout. Donc quand même, ça te, sans dire que l'échec te motive, mais ça te permet quand même de... Ouais, et c'est pas comme faire un enfant, c'est le résultat de plein de râteaux. Tu dis, ah, tu m'as mis un râteau, bah, je vais faire un enfant à quelqu'un. C'est un peu ça. D'accord. Non, wow. Non. Ou, ah, moi, bah, c'est un accident, c'est... mais après, tout chacun son truc. Ouais, chacun son truc. C'est horrible ce que tu dis. Non, mais essayer de réussir ailleurs, c'est... Et c'est tu l'appelles vengeance, ton mot. De penser ses blessures. Vengeance Wheeler. J'ai peut-être une mauvaise... Non, non, mais parce qu'à l'histoire de l'enfant, c'était super. Ce que ouais, je... Non, mais je sens que je vous ai après. Perdu là-dessus. Melha, toi, par exemple, imaginons sur l'inverse. Genre, parce que par exemple, Miskina, ça a été un énorme carton. Ah oui, pour comment oui. Est-ce que t'arrives enfin, enfin, on n'a pas les chiffres. Donc, hein. On a battu les Hobbits. Et quand des Algériens gagnent face à des Hobbits. Bah là, c'est. Ouais. Ça donne. Il y a des drapeaux algériens sur le Mordor, je trouve. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as à l'inverse le moment tu as le temps de kiffer non, justement non, tu te dis oh là ça va rater la prochaine fois exactement je suis exactement comme ça et même quand il y a un moment donné, on me dit ça y est, c'est un succès, c'est sûr et tout. Je dis non, il va y avoir une galère. Ah il ouais, va y avoir une galère, c'est sûr, il y avoir une galère. Il y avait un problème. Ils ont mal compté les datas, les trucs, mes couilles. J'en sais rien. Et moi, jamais tu vas me voir kiffer. Ah ouais, t'arrives pas à te. Non. Putain, j'ai l'impression que je pense toujours au pire scénario qui arrive possible, genre. Mais on avait peut-être, on a été séparés à la naissance, peut-être. Je non, pas... c'est pas non, je suis beaucoup plus vieux. Non, t'as quel âge? J'ai 43 ans. Ok, t'es beaucoup plus vieux. Bah oui, oui. Mais il fait moins. Mais hein, ouais, tu fais pas si vieux. Et Alison, justement, en parlant des échecs. Ouais, bah non, je fais ce que je peux. Pourquoi c'est devenu mon nom de famille, Alison Échec? Non, mais Alison, toi qui as jamais fait de scène, avant il y a quelques mois. Ouais. Est-ce que au début ça a été difficile ou est-ce que parce que tu dis qu'il y a eu un blackout, mais par rapport au public, est-ce que les rires t'ont porté ou est-ce qu'à l'inverse t'étais dans un truc où tu voyais que les moments où ça rigolait pas? C'est quoi ton état d'esprit? Oui, parce que t'es pas toute seule, t'as aussi un metteur en scène, ouais, des auteurs, j'ai plein de gens super qui m'entourent. Ouais, au début tu te focalises, c'est vrai, sur les vents que tu te prends. J'ai pas eu de cata, mais c'est vrai, quand t'as un trou, tu ne penses qu'à ça le soir même, alors que pour les gens ça a duré 30 secondes, pour toi c'était une éternité, puis ton cœur s'est serré, puis t'étais mal. Okay, après jeu d'assin, c'est bon. Michel Jonas en tournée. Mais cela dit, je trouve les gens souvent, alors je sais pas si c'est de la chance de ce ouais, que moi j'ai assez vu. Assez indulgents. Les gens sont plutôt bienveillants souvent hyper, sur ce genre de choses. Hyper, ça a rien à voir avec. Oui, oui, ouais. Mais parce que j'étais un peu déformée psychologiquement par YouTube, les commentaires, la télé et Twitter. Quand ils sont en face, ils enlèvent leur gueule. Je savais pas que sur scène, en fait, les gens étaient beaucoup plus doux avec toi. Mais oui. Bah c'est une discussion que j'ai eu avec Laura Felpin également. Ah ouais? Qui se faisait défoncer sur Twitter quand elle était à la télé. Et sur scène, ça se passe plutôt bien. Parce qu'elle a eu un Molière. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas le wifi dans la salle. Ça capte pas. S'ils avaient le wifi, je te le jure, les gens tweeteraient. J'en suis persuadé. Comme la personne qui a Poucave, Isia Higelin. Ah oui, quand ça elle c'est a dit un truc incroyable. Sur Macron, et il a appelé les flics, genre, elle vient de dire un truc sur Macron. Je crois pas, ils ont fait ça. Surtout qu'elle a dit, ouais, on aimerait que ce soit une pinata géante et qu'on le tape. C'est un peu violent. Violent. Et je vois quelqu'un appeler les keufs en disant excusez-moi. C'est un peu emballé sur l'impro, hein. Faut l'écrire. Ouais, ouais. Prends quelqu'un, pose une journée et travaille tes entre-chansons, quoi. Tes interludes, ça s'écrit. Elle s'est un peu emportée, c'est vrai. Elle était dans l'énergie, bon, bah c'est mais gros, c'est quand même fou voilà. Que quelqu'un dans le public a fait allô, police, elle vient de. Excuse-moi, elle a pas menacé, enfin c'est pas genre Daesh qui menace, elle a juste dit pignata Macron, enfin. Ouais, c'est ça. C'est fou d'aller au concert de quelqu'un. Mais d'être prêt à poucave sur cette personne quand même. Je crois pas que si mes souvenirs sont bons, c'était un festival. Il devait c'est passer ça. Avec une bière ouais, un par là. Ça, voilà. C'est vrai, c'est sûr. Oui, ça oui, c'est un festival. Ouais, je pense qu'il a pas choisi. Mais quand même. La personne voulait aller voir Sardou pour sa défense. Bon, okay. Voilà. C'est ça. Écoutez, on mais attends, sur les échecs, je voulais dis-moi. Revenir. Moi, maintenant, ça, je trouve ça très chouette quand tu peux te souvenir d'un moment où c'était pas. Ou que t'as mal vécu professionnellement et en rire. Oui. Et les gens que j'appelle pour en rire, ça fait beaucoup de bien. Notamment Melha qui est d'un soutien indéfectible. Même ça se voit pas, mais c'est quelqu'un de c'est une très bonne amie. Est-ce que tu la qualifierais de bonne amie? Bouge tes oreilles parce que j'aime pas. Une sœurette, une sœurette. Elle bouge ses oreilles. C'est raciste, il a dit beurette. Oh, la Poucavé, c'est elle qui a dit que j'étais avec trop de blancs là dans la même pièce. Ah bah. Il me faut un arabe ou deux. Il me faut. C'est quoi? C'est une bonne amie. Ouais, c'est une bonne amie. Ça va. C'est une bonne amie. Oh, arrête, toi aussi. Toi? Non, t'es une bonne amie, mais c'est en 2023 que tu as compris qu'il fallait prendre les patins de ses potes. Voilà, c'est juste ça. Elle considère que je la défends pas assez sur des causes pas et des est-ce gens que vous qui, êtes des potes, je qui une veulent question. Lui nuire. Non, elle croit qu'il y a des gens qui veulent lui nuire alors que vraiment ça n'existe pas. Ah, Inès Reg. Ah, mais ce qu'il y a, Inès Reg, elle m'a volé ma place. Hein. J'étais la seule grosse. J'étais la dodue des Français. Elle est venue, elle m'a balayé. C'est pas vrai, j'ai l'impression qu'Amazon, ils vous laissent cohabiter. Ouais, ils adorent vrai. Les gros. T'as pas remarqué? Ouais, mais c'était toi sur les affiches à côté de J-Lo. C'est, non, c'est vrai que c'était à côté de J-Lo. Elle a peur de tout pour sa petite promo au théâtre de l'œuvre. Mais c'est pas un œuvre, c'est l'atelier. Si tu vas me discréditer. C'est où ton théâtre de l'atelier? À Saint-Ouen. Vraiment, tu seras pas invité. Il y aura même une photo de Watt. Bah, tu sais quoi, dans tes nombres. Tu sais quoi, tu veux que je dise quelque chose pour que tu vois l'ami que je suis. Quand tu as fait Quotidien, eh ben, je me suis empressé d'aller sur Biréduc et j'ai acheté deux places. T'es un amour. Oh, et voilà. Le petit amour. Et tu sais pourquoi c'est ma petite amie? Non, je vais pas venir. Ah, tu sais ce qu'on m'a raconté? On m'a dit. Que 50 Cent, il avait. Je sais exactement où tu veux aller. Vas-y, dis-le. 50 Cent, non, il était en embrouille. Moi aussi, je t'adore. On a nos règles. Monstru. C'est un mythe. Non, mais attends. Je voulais dire, c'était Sam. Il était en embrouille avec je ne sais plus quel rappeur. Ah oui. Et il a acheté les, genre les 10 premiers rangs ou les 20 premiers rangs et tout. Et après, il n'est pas venu. Je vais faire ça. C'est à nos ennemis. Chers amis, ça fait déjà pas mal de temps qu'on parle. On va passer aux recommandations culturelles. Alors, je ne vous ai pas prévenu avant, c'est ma faute. Mais c'est les recos. S'il y a quelque chose voilà, que vous avez aimé, c'est les cucus. C'est les recos cucus de Wheeler. Wheeler. Waouh. Est-ce que vous avez des recos culturels, Adrien? Je vais vous surprendre. Une petite série sur Netflix qui s'appelle Tapis. Oh non, c'est pas vrai. Ah ouais, c'est bien, franchement, c'est bien. C'est vrai, c'est vraiment bien. J'ai tout regardé, j'ai bingé tout simplement. Et j'ai bien aimé, en fait, je connaissais pas. Bon, alors après, c'est très très fictionné, donc romancé, en vrai, ouais. Apprendre des trucs sur la vie de Tapis, mais en même oui, temps, oui, pas manque trop, des choses, mais en même temps, aussi, oui. Bon. Oui, oui. Je trouvais ça vraiment, ça joue ultra bien. Ouais. Enfin, l'affiche est incroyable. Et une mention spéciale à Hakim, franchement, j'ai mis, et à Camille Chamou, je trouve. Ouais. Camille Chamou, elle a un vrai est, perso. Ouais, ouais. Elle est il vraiment, est charmé elle est, son ouais, personnage. Elle est vraiment bien. Non, il y a une scène dans le dernier épisode du coup que tu alors, vois. Moi, j'ai ah, pas avec vu le cœur. Ouais. Moi, j'ai pas vu le dernier épisode. Alors, voilà. Regarde, va au Alison n'en a pas vu un seul. Non, non, mais Alison n'a pas Netflix. Voilà, donc on voit. Tu veux mes codes ? Si, j'ai. David Talbot, le nom de l'acteur qui joue le procureur là, qui est incroyable. Je dis son nom parce que. Ouais, bravo. Et l'acteur qui joue Mitterrand, c'est Adrien. Ouais. Putain, il a la même voix. Monsieur Tapie. Je vous croyais plus fort que ça. Non, je suis très vexé qu'il m'ait pas proposé le rôle de Mitterrand. Mais bon. Pour la saison 2. Non, et donc, ouais, j'ai bien. En fait, le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un qui ne prend aucune initiative, qui est très timoré, et du coup, regarder quelqu'un. C'est comme regarder du porno pour moi, quoi. De regarder un mec comme Tapie, qui n'a aucune limite, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Ouais. Moi, je regarde ça, je dis genre, c'est mieux qu'un film d'action, quoi. Ouais, parce que j'ai pas envie de tabasser des gens dans la vie. Mais ça, j'aimerais bien avoir cette audace et tout ce feu, quoi. Tu arrives à te plonger plus que dans un documentaire sur lui. Je sais pas. Ouais, oui, je pense un peu, je sais pas. Non, bah mais en même temps, il y a aussi un truc. Bah, il y a la mise en scène. Il y a un truc, la réelle, elle est charmée. Il y a aussi un truc kiffant d'observer la performance des acteurs aussi, je trouve. Hmm. Donc tout ça fait que j'ai bien aimé. Et j'ajoute en corollaire. Une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Gaspard G qui a fait une vidéo qui s'appelle La vraie histoire de Bernard Tapie. Parce que comme j'ai dit, c'était vachement fictionné la série. Et là, c'est une vidéo d'une demi-heure où on raconte que des vrais trucs sur Tapie. Du coup, c'est pas mal une fois qu'on a vu la série de regarder ça parce que en fait, tu vois déjà qu'il y a vraiment des trucs de fou qu'il a fait et qu'ils sont pas dans la série. Notamment, alors c'est un petit spoil, mais un vrai truc que Bernard Tapie a fait, c'est à l'époque où Bokassa était en train d'être déchu. Tapie savait que Bokassa il avait plein de châteaux en France et du coup Tapie il a fait croire à Bokassa que l'État français voulait saisir ses châteaux, donc l'autre il a paniqué et il lui a dit je suis Tapie, je te les rachète tes châteaux, et il lui a racheté pour mais je crois que c'est 10% du vrai prix. C'est un génie. Il lui a racheté ses châteaux et il a dit je les donne à l'UNICEF les châteaux. Bon, il s'avère que finalement. Il les a vraiment donné. Bah, il s'avère qu'en fait, Bokassa s'est rendu compte du truc, a attaqué Tapie et il a gagné. Donc il a récupéré. Donc il n'a pas pu donner les châteaux à l'UNICEF. Mais il a fait vraiment des trucs de fou. Donc je comprends aussi le fils de Tapie qui a dit au lieu d'inventer des trucs, il y avait vraiment des trucs de fou qu'il a vraiment fait, que vous auriez pu mettre dans la série. Je comprends. Mais bon, en même temps, l'écriture est ce qu'elle est. Tu peux pas tout mettre. T'es obligé de. Donc. Mais ouais, j'ai kiffé cette série et la petite vidéo en plus qui te fait dire c'était quand même. Voilà, on. Voilà, il a. Melra, tu seras pas d'accord sur l'OM, mais bon, voilà. C'est surtout que c'est de la fiction ce qu'ils ont raconté. Tout est faux. Oui. Je n'ai jamais vu cette histoire d'arbitre. Glucksmann, là où je sais pas comment ça s'appelle. Glucksmann, là, voilà. Je connais pas. Non, mais voilà, mais. Non, j'ai vraiment bien aimé. C'est marrant comme on est fasciné par des petits filous. Bah oui, il y a un truc d'interdit en fait. C'est, tu dis parler du non, porno. Moi j'ai pas dit que j'étais fasciné par le mec. Ouais, par, non, mais ah, par moi je suis un peu fasciné. Exaction, mais par l'audace du mec qui ne se dit jamais. Non, ouais, ça, il s'arrête faire, en fait, ce que j'aime, c'est qu'il s'arrête jamais. Ouais. C'est fou quoi. Il a toujours une autre idée. Jamais il se dit je peux pas le faire quoi. Alors que moi je ne me dis que ça tout le temps. Mais il est évident que dans la vie je détesterais passer du temps. C'est vrai. Ah si, il fait que mentir. Sur son bateau là, pardon, mais moi j'y vais aussi. Un petit coca sur le bateau. C'est dur. Oui, mais bon, sa femme ça devait être horrible, mais juste tu le connais. Oui, tu vas de temps en temps, une fois par mois. Ah ok, c'est bon. Tu vas me la choper. Tu dis ah j'ai faim, il dit tu veux quoi, tu veux du houmous. Attends, mais attends, je t'en trouve du houmous. Il y a un hélicoptère. Il peut tout me régler. Pas mal. J'ai l'impression qu'il commence tout par. C'est comme une entreprise. Ouais. Le houmous, c'est comme une entreprise. Je vais d'abord vous en donner un petit peu sur une tartine. Et lui, je pense qu'il avait, tu vois, pas comme toi, Alison, tu vois, il aurait le. Ah, lui, on aurait eu les mêmes principes. Hein. Ah, bah, il écoute Rof d'ailleurs, t'as plus. Ouais. Ça m'étonnerait pas. Il écoute Doug. Enfin, il a chanté avec Doug Gineco, oui, c'est qui valait 10 centimes, bien sûr. Et il a tabassé Pascal Praud, je rappelle. Et quand même ça, c'est toujours quand même. Il a quand même fait ça. C'est vrai. Attends, dans un magasin de vêtements. Comme Rof et Booba d'ailleurs. Donc, oh là là, mais tout se recoupe. Je savais pas cette histoire de magasin de vêtements. Ils se sont battus dans un magasin de vêtements. Il a tapis à Michael Youn aussi. Et il a mis une tarte à Michael Youn. Enfin, il était très bagarreur. Il a foutu un bourre-pif à Pascal Praud et un coup de pied dans les couilles, je crois. Melha, quelque chose que tu as aimé culturellement hier. Le spectacle d'Alison Wheeler, j'ai pris deux places sur Biarritz. Ça m'a coûté. Disons que c'est pas donné, hein. Ah bon ? Catégorie 1, ouais. C'est combien ? 40 et quelques, enfin je veux dire, j'étais au théâtre du Marais, c'était 18 balles, hein, frère. Moi, c'était pas cher, hein. On était payé au chapeau, toi, madame à votre tête de l'atelier, tout ça. Autre chose, peut-être. Non, il y a une série que je regarde que je kiffe, alors j'ai adoré Tapie aussi, comme toi, mais The Bear sur Disney. Mais oui, la saison 2, tu l'as vu ? Ouais, je suis en train, la saison 2 là. Ah bah, elle est mieux que la 1. Elle est mieux que la 1 ? Ouais, ça m'étonne pas. C'est génial, tu suis un chef un peu en galère qui reprend le resto de son frère qui est mort à Chicago et. Et après, je vais pas spoiler. Non, mais c'est la bien. Saison 1, ah, mais moi, du coup, ça spoilerait. Mais j'ai trouvé que la résolution de la saison 1, j'étais genre, oui, bon, bah, c'est. Non, la saison 1, je chapeau. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est la toute fin, on s'en fout. Oui, mais bon, c'est dommage. Je suis d'accord. Gueule, l'auteur, là, pour qui bon. Je me prends, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, pour qui je me prends. J'ai écrit Groom et les emmerdeurs. La flamme, c'était pas non plus des twists. Puis la flamme, vous aviez une base quand même. Rien inventé. Tout est improvisé, en fait. Tout est improvisé. Alison, quelque chose que tu as apprécié récemment. Alors, ça peut être aussi d'ailleurs. Un spectacle, un film. Et, voilà. Et pas forcément un truc qui est sorti récemment. Ouais, c'est un truc que t'as vu et que t'as kiffé récemment. J'ai pas fait beaucoup de choses culturelles. J'ai découvert, mais il y a un petit moment, mais il y a la saison 3 du sketch show de Tim Robinson qui me fait beaucoup rire. Ah, I think you should live. Qui est vraiment. Je l'ai regardé trois fois, j'ai des crampes au ventre de rire. C'est très non, c'est très pas bon. Le SPM. Non, il est brillant, c'est il est brillant. Et c'est hyper poétique en vrai. Oui, c'est bourré, mais c'est bourré d'idées. Il est ultra touchant, il est fort, il va dans mille directions. Il y a aucun, enfin, on a l'impression qu'il écrit en toute liberté. Ça donne trop d'idées. Faut que je regarde. J'avais vu que quelques sketchs de la saison 1. Non, ça t'avait plu ou ça t'avait ouais, pas ouais, plu? Ouais, ça m'avait plu. Et j'ai vu le sketch avec le téléphérique là sur le dans le truc de le dating show là. Non, c'est vraiment très drôle, Tim Robinson. Ouais. Et bien moi, je vous conseille un film qui s'appelle Un métier difficile. Ah, tu l'as vu, c'est ouais, bien. De Thomas Lilty. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment très très bien avec Vincent Lacoste, Adèle Exarchopoulos, François Cluzet. François Cluzet, extrêmement crédible en prof, un peu agacé. Et non, c'est vraiment un super film. C'est assez drôle et non, c'est vraiment vraiment bien. C'est touchant. Il y a des scènes un peu dures et c'est pas non plus. Ça parle aussi que l'école, c'est un peu l'école publique, c'est un peu compliqué en France, mais c'est pas genre il y a 200 élèves par classe, c'est jamais misérabiliste. C'est vraiment plutôt bien fait et tout. Et donc voilà, c'est un film que je vous conseille. C'est un genre le film de prof. Mais et c'est un genre qui est difficile, je trouve, parce que tu peux là il y a suffisamment la dose de un peu de nostalgie aussi. Mmh. Tu te dis ah oui c'est vrai que j'avais un prof. Et William Lebgill joue un prof d'anglais et donc tu rêves de l'avoir en prof d'anglais parce qu'il est vraiment très marrant. Et voilà, c'est un film que j'ai adoré, que je vous conseille, qui est en salle en ce moment. Voilà. On adore William Legge. Ah bah j'adore William Legge. Mais là, tous les acteurs sont super. Enfin, là, vraiment, tout le monde est très touchant et drôle. Donc voilà, je vous conseille ce film. C'est la fin de ce podcast, chers amis. Alors, où est-ce qu'on peut tous vous retrouver ? Donc, peut-être tu tournes Miskina 2 ? Oui, dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Donc là, après, ça sort pas tout de suite, j'imagine. Non, pas tout de suite. Mais bon, le temps de le faire quand même. C'est ça, moi, si vous voulez me croiser, bah, je serai au spectacle d'Alison. Bien sûr, en chapeau. Tu fais un peu. Je pense que je vais me prendre un peu d'oseille pour moi. C'est ça. C'est ça. Et Alison, donc le spectacle. À l'atelier, en pas décembre. Parce que t'as quand même toute une tournée. Alors, dans toute la France. Beaucoup de choses sont complètes. Faut le dire, mais dans les prochaines dates. Je suis contente que tu le dises. Il y a Neuchâtel. Il y a aussi en Suisse. Tu vas à Neuchâtel. Neuchâtel, Genève, Montpellier. Je vous donne les villes où il y a encore des places. Montpellier le 13 octobre, pardon, La Rochelle le 4 novembre. Là, je vois que des complets. Rouen, Lille, tout ça, voilà, c'est complet. Strasbourg le 2 décembre. T'es en train de me stresser de pas fou du là. Tout, à chaque fois, il dit date, je fais, oh là là, faut jouer là. Et mai j'ai du peur. 12 au 16 et du 19 au 23 décembre au Théâtre de l'Atelier à Paris. La promesse d'un soir. En plus, c'est bien, t'as gardé toute ta team, t'as tes auteurs de quotidien. Absolument. Tu travailles avec Xavier Mingon qu'on connaît bien, avec Adrien, avec une en scène plusieurs qui fois. Extraordinaire. De très doué, très talentueux. Et j'ai des musiciens, enfin, j'ai un pianiste. Ouais, mais enfin, c'est vous pas possible. Vous auriez dû en parler un peu. Et j'ai Mel Habedia au chapeau qui. Mais parce qu'en même temps, la chanson, tu en faisais aussi quand t'étais chez France Inter. Ouais. Ça a toujours été un peu là. Même à Bégueul, je me souviens, tu me cassais les couilles avec les chansons. Non, mais c'est vrai que ça a toujours fait partie de ta comédie. Peut-être un jour, je ferai Coachella. Oh, on en rêve, on est bah, comme ça. J'adore les spectacles qui intègrent de la musique. J'avais adoré le spectacle Bo de Burnham. Bo Burnham. Ouais. Bah ouais, bien sûr. Le Donc grand. On est un peu dans cette ambiance-là en termes de non musique. Pas du tout. Non mais j'adorerais la musique, mais non mais la musique est un peu c'est de la comédie quand même. Ouais c'est complètement oui. de la comédie. Après ouais. je sais pas c'est propre ça ressemble à ce que j'ai déjà fait mais c'est. C'est ce qu'on aime chez toi qu'on retrouve sur scène est-ce que c'est ça que tu dis hein. Je sais pas ça me fait peur dès qu'il y a trop d'attention sur moi mais en tout cas ouais oui je pense que ça me ressemble. Bah, c'est pour les gens qui te connaissent et les auditeurs du podcast te connaissent bien enfin moi j'ai trop hâte de voir le spectacle. Ah, je suis sûr génial. Que ça va être super. C'est vrai qu'on a hâte. Ouais de fou ça va être trop bien. J'ai pas pris peur. Mes places parce que j'espère être invité, mais peut-être je les prendrai. Voilà, peut-être je les prendrai si je suis pas invité. Adrien, toi, en ce moment, il y a une série sur Amazon. Ouais, il y a Killer Coaster sur Prime Video. Bon, on me voit pas très longtemps dedans, mais ça m'arrangerait que les gens regardent beaucoup. Et dis l'épisode où t'es. Je me rappelle même plus. Comme ça, et si t'es dans la bande-annonce, je t'ai reconnu. Ah oui. Ou un trailer, je t'ai vu dans un teaser. Ah bon, moi aussi. Bah peut-être, bah, en tout T'avais cas. T'avais une bite irritée même. C'est ça. Mais ne spoil pas si c'est ah, possible. Pardon, excusez-moi. C'est mon apparition, c'est un nu intégral. Qui représente ta bite irritée c'est chez sans... Adéquate non, c'est... Chez... non, c'était sa bite irritée. Elle est interprétée par Vianney quand même, cette bite irritée, faut le dire. Non, c'est moi et c'est sans make-up, sans. Putain. Sans trucage. À la Daniel Day-Lewis. Elle est partie en Italie 2 mois pour avoir la bite irritée. Et elle vient comment en PPM. Tu t'es amusé sur ce tournage. Oui, bah le. Oui, bah je. Ah non, je peux pas le dire sans spoiler. Bon, bref. Mais en tout cas, ça m'a rendu que les gens regardent beaucoup et qu'il y ait une saison 2 parce que. Aïe aïe aïe. Là, pour le coup, ça serait assez bénéfique pour moi s'il y avait une saison 2. Donc regardez, je peux pas trop. On va regarder. Bénéfique une maison en Bourgogne à côté de chez Flo. Non, bon, j'en suis loin. Mais juste travailler, ça serait bien. Mais, laisser tourner en arrière-plan chez vous. Très bien. Est-ce que pour que ça soit sentinelle. Comptabilisé, il faut regarder jusqu'au bout un programme? Ça, je sais jamais, mais ça demande à. Alors, 200 programmes chez Amazon. Elle a pas 200, elle bosse au board, elle est décisionnaire. Elle est sociétaire. Pour moi, c'est la belle fille de Bezos, cette meuf. Non, là. Mais écoutez, je suis censé le rencontrer et on se rencontre. Ça n'arrive jamais, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu es également, Adrien, dans Antigang 2, parce que c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé, Antigang de la relève. Tu fais des films d'action, ça nous excite. Le Jason Statham français, on le rappelle. Bah oui, Antigang de la relève, toujours sur Disney+. Et voilà, ça va, il bosse, tu t'emmerdes pas, les 507 heures. Ça va bien sûr. Ouais, et quant à moi, bah voilà, Vermine que j'ai coécrit, film mais d'horreur oui, avec acclamé entre... par Combini. Oui, qui s'est plutôt. C'est sorti. Et non, ça sort en décembre. Ah bah avec, voilà. Avec, sauf moi, que je l'ai vu parce Théo que comme Christine, hein. Moi, je l'ai vu parce que comme c'est mes potes qui ont bossé dessus, j'étais invité à la première. Non, t'as pas été invité à la première. Non, non, mais Seb veut faire une vraie avant-première. Là, c'était l'étrange festival. C'est très grave. Pas invité, j'ai pas d'invitation. Tout le monde m'a pas invité. Oui. Je suis scénariste, ouais, j'ai ouais, aucun non, pouvoir. Pas... Non, mais moi je l'ai que écrit. Le film que j'ai réalisé, lui il est en post. D'accord, et celui-là en... tu nous inviteras quand même. Et celui-là vous viendrez avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Adrien joue dedans. On a hâte de voir. Évidemment. Dans Vermine. Non, je sais pas. Non, dans son long métrage. Et ça sort génial. Normalement le 10 avril. Je suis énorme. On a le temps de le voir venir. Je suis énorme dans ton film. Bon, bah merci d'être venu en tout cas. Merci Florent et Adrien. À très vite. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Je suis tapis. Big bisous, bien bavé. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.